magie de Noël. À Père Noël, une dinde et des petits lutins moches. Pas de doute, c'est Coé et son équipe sur Énergie. 17h-20h. Ah, c'est Coé sur Énergie. Les amis, cette chanson, on la passe depuis des jours et des jours. Et j'avais très envie de recevoir ce jeune homme. Il s'appelle Cobb Johnson. Faites beaucoup de bruit pour lui. Voilà. 10 millions de vues, un peu plus maintenant. Un peu plus, ouais. Mais c'est génial, c'est top ça. Bienvenue, comment elle est née cette histoire? Ben, elle est née dans mon camion de livraison. Dans mon camion de livraison. Tu livrais quoi? Je livrais, je sais même plus ce que je livrais ce jour-là, je pense que c'était des palettes. Hein, dans quel coin de France? Vers Castres. D'accord, ok. À Castres, et j'étais bloqué par des gilets jaunes. Et il y avait un gilet jaune devant moi, il se présentait. Et comme moi j'écoute des instrus, ben, ça m'est venu d'un coup. Gilet jaune, comment les gilets jaunes? En fait, quand je l'ai vu, eh ben, il fallait que je dise ça, en fait. C'est que les trucs les plus cons, ah bah c'est oui, les trucs qui te viennent tout de suite. C'est ça, hein. Ça, c'est le meilleur. Donc, t'as écrit la chanson, les paroles et tout, en combien de temps? 30 secondes. En même temps, je livrais et j'écrivais comme ça. Il y a des mecs qui ont dû halluciner, mais c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme. On va l'écouter dans un instant. On est en Facebook Live, ouais, si vous nous Facebook écoutez. Il faut absolument que vous voyez ce jeune homme. Parce que quel âge tu as? 25 ans. 25 ans, d'accord. Et alors, t'en es où de la livraison là? T'as fait... Ça y est, la livraison. Ah, c'est fini? Ouais, ça y est. Ah oui, d'accord. Ça a été livré depuis. C'était rapide. Ah oui, donc non, mais je veux dire, le boule, tu y es plus, t'as démissionné. Non, ça y est. Ça y est, la livraison, faut laisser ça au livreur. Moi, je suis pas livreur. Tu te chantais que ça veut, mais c'est important. C'est-à-dire quoi? Tu te sentais plus artiste depuis le début? T'as fait ça en attendant? J'ai toujours voulu être un artiste. Là, j'ai l'opportunité de le devenir. Donc la livraison, faut laisser ça. Ah, mais t'as raison. Mais il a raison. Quand le train il passe une fois devant toi, faut pas le laisser passer. Faut pas le choper. Laisser, hein. Opportunité comme ça. Surtout que crois-moi, il y a des tas de chanteurs qui aimeraient bien faire 11 millions de vues et qui ne les ont jamais fait sur une chanson. Donc c'est vrai. Donc c'est comment ont accueilli les gilets jaunes? Alors ceux qui manifestent, peut-être qui nous écoutent, qui sont en rond-point. Est-ce que sur les messages Facebook, t'as lu quoi comme message? Sur mes réseaux, que des bons retours. Après, j'ai vu des vidéos quand j'ai fait des interviews ailleurs. Là, des insultes. Ah oui? Ah ouais? Ça parle de sang noir, esclave. Des insultes de fou, là. Ah ouais? Violence. Ah oh, merde! Il parle de Trump, mais. Pourquoi? Tout se mélange, quoi. Tout se mélange. Alors, bienvenue dans ce métier. Ouais. Tu vas te rendre compte que, globalement, les gens sont tous bienveillants. Mais sur les réseaux, il y a des gens qui ne partent un peu en vrille. En tout cas, il n'y a jamais eu autant de monde sur Facebook Live. Voilà, donc tu vois, ils ont envie de le voir. Mais depuis tout à l'heure, on discute un peu. On se fait chier à aller chercher Bébé Rexha. Voilà. Ça fait plaisir. lui dira. Oh non, il est gentil comme moi. C'est au niveau gentillesse, c'est autre chose qu'il y en a qu'à moi. Et donc. Il y a une semaine, c'est bon, ça va. Excusez-nous, lui il est souriant, ça change. Il a dit bonjour surtout. Il nous a salué. Il a dit bonjour et il va certainement dire au revoir. Et il a dit bonjour à tout le monde. Et il a dit bonjour à tout le monde, ça, et c'est vrai. Moi je suis très content, on en va en discuter hors antenne et je suis très content de ce qui lui arrive. Bah ouais, grave. Merci, franchement merci. Je trouve que dans la vie, voilà, il y a des opportunités à pas rater et il y a plein de gens qui nous écoutent, qui ont peut-être des rêves et qui font des métiers en attendant, qui sont serveurs, serveuses, qui font des petits boulots, qui sont chauffeurs ou autres, qui attendent. Et quand il y a un truc qui arrive, et ben, je suis très content pour toi et j'espère. Merci. Alors la suite, c'est quoi? Parce que tu vas pas pouvoir faire tout un album sur les gilets jaunes. Hein, il va falloir en trouver d'autres. Le deuxième titre, il peut pas s'appeler Rond-point bloqué. Tu vas en chier au péage. Je t'ouvre la barrière. Enfin, tu peux. Falloir les variantes. Non, pour la suite, j'ai plusieurs sons déjà de fait, donc je vais choisir lequel. Ça va toujours rester dans l'ambiance et de ça. Ah oui, évidemment, oui. Ouais, faut que ce soit festif, ouais. Bien sûr. Est-ce que la première version qu'on écoutait nous, il y avait Macron démission. Elle est toujours dedans ou elle est dans la première version? Oui, il y avait pas ça. Il y avait pas Macron démission. Si, il y avait ça. Si, au début. Tu l'as enlevé. Ouais, je l'ai enlevé, pour la radio. Oui, tu veux pas de risque maintenant. Non, t'es sûr, parce que tout à l'heure, dans tes répètes, je l'ai entendu. Hein. Je comprends, parce que chanter ça dans le camion, c'est moins risqué qu'à la radio. Macron, c'est sûr. Rentre chez toi. Non, mais c'est moi, je trouve ça génial. Est-ce qu'on peut t'aider? Est-ce qu'il y a une chorégraphie qui va arriver? Ah oui. Est-ce qu'il y a des paroles sur lesquelles le public peut t'aider à un moment donné? Sur quoi on peut te filer un coup de main? Alors, nous, on fait les cœurs avec le public. Moi, ma meilleure partie, c'est quand je dis... Toi tu manifestes pour 10 centimes, des gars. si tout le monde le chante là, ça me ferait plaisir. Ok. Exactement ça. Toi, tu manifestes pour 10 centimes. Oui, mais il faut le faire dans le rythme en fait. C'est pas tellement les paroles qui me... C'est trop cher aussi. Ça te dérange pas si je t'aide sur le c'est trop cher. Ah ouais. Vous trouvez ça cher. Et l'autre, c'est quoi dans le deuxième couplet? C'est trop dur, c'est pas ça? C'est trop cher, c'est. Moi je m'en souviens même plus. C'est dans 30 secondes. Hein. C'est pas bon. Ouais. Moi je vais faire sur cette recherche et c'est pas bon. Attends, ça va être en toi. J'ai une question. C'est danser le petit ou c'est danser petit? Faut danser petit. Ah. C'est qui petit? Emmanuel. Faut danser petit. D'accord, danse petit. Et non, c'est pas fait danser le petit, ça n'a rien à voir. Faut danser petit. D'accord. Donc tout le monde. Alors, on va se le faire tous ensemble, d'accord. Donc il y a des trucs à annoncer bientôt. Tu vas commencer à les chanter un peu partout. Il y a les joueurs du PSG qui avaient chanté. Ça avait fait un bon buzz. Franchement, il m'a donné une grosse force. Merci vraiment, si mon temps, s'il me voit, merci à toi. Eh ben voilà, nous, puis nous tous les jours, on y est allé quand même. Oui, on l'a les jours. Non, moi je suis très content. Merci. Et gentil comme tout et tout. Je souhaite, tu sais quoi, je souhaite que dans. Allez, on va te laisser le temps de faire l'album. Dans un an, il y a un titre de toi qu'on passe dans l'émission. Putain, ce serait lourd. Ouais. Mais je te jure. Il y a déjà un titre de lui qui passe dans l'émission. Déjà. Là, non, mais je veux dire, voilà, là c'est. Il a surfé dessus, il a montré ce qu'il sait faire, mais un truc à lui. Avec les thèmes qu'il voudra. Tu sais quoi, je suis très content. Et j'espère que tu seras le premier, tu viendras nous voir ici en premier. En exclu quand le truc sera fait. Merci, il n'y a pas de souci, moi je viendrai. Si vous m'invitez, je viens. Est-ce que tout le monde a été sympa avec toi ici? Ouais, tout le monde est souriant. Il est mignon, lui. Tu vois que t'es mignon? Ah ouais, je suis mignon. Parce que j'ai une sale gueule. On est tous mignons. Il est mignon. Je fais tout le monde, je fais non, lui, il est mignon. Lui, il est mignon. Lui. Ah, le gros chauve là-bas, il est mignon. 25 ans, on y va, on se fait le titre en live. On se fait le live. T'es prêt? Il y a une choré ou pas alors? Il n'y a pas de choré? On danse comme on veut. Il n'y a pas une chorégraphie? Non, c'est comme vous voulez. Ok, voilà. Est-ce que t'es nickel sur les paroles? T'oublies rien. Dis-toi que si t'oublies, c'est pas grave. Alors, déjà, c'est arrivé au meilleur, puisque je crois que Soprano n'a jamais fait une chanson sans se tromper dans ce même studio. Bien sûr. C'est vrai. Soprano quand même. Hein. Daniel Lévy ne connaît pas les paroles de ses chansons. Voilà. Et si jamais il y a un souci, on pourra dire que les paroles étaient bloquées par des gilets jaunes au rond-point. Absolument, c'est l'excuse. C'est l'excuse. Ready? Go. Allez, vas-y, camarade. Mets-toi en place. Tout le public debout. On va se faire ce titre et vous savez que vous regardez chez vous à la maison. Donc, c'est ce que nous, on passe depuis des semaines. Voilà. C'est. Dans ce titre, franchement, c'est dansant. Dès qu'on parlait gilets jaunes, on trouvait que c'était vachement bien de mettre ce titre-là. Il s'appelle Comme Johnson. Il est à 11 millions de vues sur YouTube. On termine avec Gilets jaunes. Démission, gilet jaune, moi gilet jaune, t'es mal les gilets jaunes, faut danser petit, gilet jaune, moi gilet jaune, t'es mal les gilets jaunes, faut danser petit, j'ai voulu mettre les sangs, c'est trop cher, j'ai payé les taxes, c'est trop cher, j'ai voulu mettre les sangs, c'est trop cher, j'ai payé les taxes, c'est trop cher, c'est trop cher, faut cotiser par là, c'est trop cher, faut cotiser par ci, c'est trop cher, faut cotiser par là. Y'en a marre, y'en a marre, j'vais manifester, donc j'mets mon gilet jaune, mon gilet jaune, j'ai mal les gilets jaunes, faut danser petit, gilet jaune, mon gilet jaune, j'ai mal les gilets jaunes, faut danser petit, les Français en colère, c'est pas bon, ils bloquent le périph', c'est pas bon, les Français en colère, c'est pas bon, ils bloquent le périph', c'est pas bon, à cause de la manif, c'est pas bon. Pour 10 centimes de gasoil en plus, y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre. J'vais manifester, donc j'mets mon gilet jaune. Mon gilet jaune, j'ai mal les gilets jaunes. Faut danser petit, gilet jaune. Mon gilet jaune, j'ai mal les gilets jaunes. Faut danser petit. zombie. Gilet jaune. Kwame. Demain les gilets jaunes. Patiki. Kobe Johnson. Cotisé facile. DJ Life Rose. Voilà. Elle est Hedge. Hamza HRC. Beaucoup de bruit, il s'appelle Cobb Johnson. C'était sa première. C'était sa première. Bravo mon ami. Il est gentil comme tout. Ça va cartonner. Bientôt il fera son album, il fera ses titres et tout, etc. Bravo, bravo, bravo. Bon retour. Tu vis où alors maintenant? Toujours à Castres? Non, toujours à Toulouse. Toujours à Toulouse. Toulouse. D'accord. Bah, viens. On va se dire au revoir. Passe derrière le micro. Il y avait une chorégraphie dans le public. Oui, j'ai vu. Le gilet jaune. Ils étaient tous les uns derrière les autres. Une petite chorégraphie. Friendzone. Heureusement que c'est Friendzone, hein, parce que sinon, voilà, bravo en tout cas, bon retour. Et tu reviens ici quand tu veux, d'accord? Merci, pas de problème. Et ça a cartonné hein, sur le Facebook Live. Hein. Oh là là. Ah ouais? Oh là là. Et là, les gens, ils vont le revoir. Je sens que demain là, ça sent le 100 000 vues. Ah ouais, tu le sens? Vous verrez, là, comme ça, vite fait, vous verrez. Ouh, okay. Vous verrez. À bientôt. Tu reviens quand tu veux, promis. Hein. Quand je veux. Gilets jaunes. Gilets jaunes. Une bise, on vous laisse avec toute l'équipe du Rico Show. Vous allez bien les gars? Ça va mon Coé, on a mis le gilet. Oh, il est génial. C'est vrai que ça ambiance, c'est une super idée de l'avoir invité. Bravo ouais, à vous. Franchement c'est top, il est génial. Ah ouais. Bonne soirée à vous, qu'est-ce que vous allez faire de beau? Ah bah écoute, justement on cherche un mégaphone là, durant une manif, ça a dérapé. Et on veut qu'une personne nous récite ce qu'elle a dit durant la manif. Je t'expliquerai. Passez une bonne soirée, on revient demain. On appelle sur le bon coin. Bisous l'équipe. On vous laisse avec toute l'équipe du Rico Show. À bientôt, monsieur Cobb Johnson. À bientôt. Merci sur à bientôt. Facebook Live, à bientôt sur Énergie. Rendez-vous demain, 17h. Salut à tous, je m'appelle Aymeric Bonnery, mon surnom c'est Rico. Vous venez d'atterrir dans le Rico Show et je vous l'ai dit, on en parlait avec Coé. On va passer un coup de fil sur le bon coin. J'ai repéré un mégaphone qui a servi à la manifestation et moi, commissaire Latour, on m'a insulté avec. Alors si c'est vous qui avez pris ce mégaphone pour m'insulter, eh bien récitez ce que je vais vous dire, ça va être énorme. C'est dans 5 minutes, c'est inédit en radio, on va se régaler les amis. Et puis on est content, c'est la dernière semaine avant les vacances. Et d'ailleurs, le bail du jour est fou, ça parle une nouvelle fois tromperie. Vous allez voir que les Français, on est en tête. Oui, ça, c'est comme ça, et ton mec inclus. Le Tinder de la peur arrive, les amis, et Sylvain va accueillir une jeune femme chez lui, et elle découvrira qu'il est recherché, et ce soir, il est footballeur. Bref, que du kiff, et on va permettre peut-être à une maman de retrouver sa fille ce soir. Il n'y a que l'amour qui compte, les fêtes arrivent, et elle a besoin de retrouver sa fille, histoire complètement ouf. Chaque fois, ça file les frissons. Ouais, hein. Ouais. C'est votre émission 0800 70 42 48, on vous attend, on va s'écouter Angèle. Et le nouveau Ariana Grande. Ah, il donne envie. On va se l'écouter, les amis. Ça va, ma Sarah? J'adore. Bonsoir à tous. Bonsoir, Rico. Oh là là, quand c'est pas toi qui chante, c'est toujours mieux. C'est la chanteuse de l'équipe. Elle est en bonne forme? En très bonne forme, merci, mon Rico. Oh là là, il y a une personne qui m'a escroqué ce week-end. Je vais vous en parler. Elle m'a escroqué quasiment 1000 euros. Non, je vais vous en parler. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Vous l'avez senti. On va en parler. Hein. On déterre les doigts. Ça va, Sylvain? Bah écoute, en pleine forme. Dernière semaine, donc je suis à fond les ballons. Oh là là, en plus, ce soir, t'es footballeur pour accueillir ta prétendante avant qu'elle n'apprenne que tu es recherché. Bref, on va se régaler. Ça va, JM? Écoute, ça va, sauf que ce week-end, je suis resté dehors. J'ai claqué ma porte avec les clés à l'intérieur. Oh là là, c'est pas vrai. Misère, je te jure. Je suis allé chez le voisin, j'ai sauté du premier étage et tout. Tu t'es fait ouvrir par le serrurier aussi. Exactement. Non, mais il ouvre les deux. Il t'ouvre toi et il ouvre la porte. Oh là là. Le serrurier, c'est il ouvre deux personnes. Mais c'est un truc de fou, c'est toujours comme ça. Ah là, c'est la double ouverture, ça s'appelle. Allez, amis, c'est le bail du jour. Vous le savez, les Français sont infidèles. C'est pas une nouvelle, ça, on le sait. 55% des hommes ont déjà trompé dans leur vie, mais aussi, mesdames, hein, 32% d'entre vous. Ne vous cachez pas dans ce débat. Ça, c'est pas bon du tout. Mais surtout, on a un florilège. Oui, nouveau mot des années 80. les amis, on a un florilège de pires excuses, franchement, qui sont énoncées chaque fois que vous trompez. Elles sont terribles. Alors ça, je ne résiste pas. Tu t'es fait tromper à chaque relation. Quelle est la pire excuse que tu aies pu entendre, ma Sarah? Alors moi, il y a un mec qui m'a quand même sorti. C'était pour lui rendre service. Il lui restait un mois à vivre. C'est pas vrai. Je te jure. Oh, mytho, genre, je fais dans l'humanitaire, tu vois, je fais dans le social. Il est à l'heure d'aujourd'hui encore vivant. Les analyses sont bonnes, les amis. On en parle, on se met en gel sur Énergie. Et croyez-moi, il y a du très très lourd. La prochaine est folle comme excuse. On l'a tous dit. N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin, je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Et sinon, vie parfois, je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. N'existe pas sans son contraire. Une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel. Je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul. Vieux souvenirs comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seule. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu. Tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué. Le spleen n'est plus à la mode. C'est pas compliqué d'être. Si ça me fait juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Si ça me fait juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. Si ça me fait juste heureux. Si tu le voulais, tu le serais. C'est quoi le vibe du jour, mon Rico? Tout le monde en parle. C'est le bail du jour sur Énergie. Ouais, avant de se faire un canular inédit en radio et de kiffer tous ensemble, les amis, on parle de cette info, hein, les pires excuses lorsqu'on a trompé. Sarah, je sais que t'es meurtrie dans ta chair. Ah non, mais oui, mais moi j'ai eu trop d'excuses. Il y a carrément un jour, mon ex, il m'a dit c'est ma sœur. Oh, ouais, c'est j'étais tombée vrai. Sur une photo, il galochait une meuf, il m'a dit c'est ma sœur. C'est pas vrai. Et tu l'as gommée en plus. Hein. Elle y a cru deux semaines. Hein. Du coup, c'est dégueulasse. Ah oui, c'est dégueulasse, mais il avait des bonnes raisons. Il avait des bonnes raisons. Je veux dire, elle faisait partie de la famille de Sylvain. De quoi avoir quelques soupçons. Il y avait aussi, c'était un test pour savoir si tu allais rester avec moi même si je te trompais. Celle-là, elle est forte. Ah ouais. Celle-là, elle est forte. C'était un petit test d'amour, quoi. Je l'ai fait pour notre amour. Ça, c'est fort, Sylvain. Bah ouais, des paroles. Ouais. Des preuves. Ah, attends, des preuves. Bah oui. J'allais te quitter, de toute manière. J'allais te quitter. En fait, c'était en cours. T'as pas reçu le reco? Tu l'as pas reçu? Non, mais c'est vrai. Il y a aussi, j'ai trompé toutes les personnes avec qui j'ai eu une relation. Ah, celle-là, elle est horrible. Mais c'est horrible. Je suis un bâtard. Donc, de père en fils. Tu restes avec moi, tout doux, quoi. C'est comme ça ou rien, quoi. Non, mais elle est horrible, celle-là. Elle est horrible, elle est forte. Hein. Il y a aussi, ma mère a trompé mon père quand ils ont commencé à sortir ensemble. Et je peux te dire, ils filent le parfait amour. Ah, c'est bien ça. Ouais. Ils ont démarré là-dessus et ils ont fini sur un mariage. Ouais. Ah, mais je te dis. Celle-là, je la note. Chaque fois, tu les prends en référence, mes parents. Mon père a fait cocu ma mère. Hein. Ah ouais. Elle a des cornes terribles. Hein. C'est horrible. On l'appelle le chevreuil dans la famille. Ça peut marcher. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est l'arbre généalogique. Ah oui, oui. Bon appétit. Hey, il démarre sur les chapeaux de roue. On va prendre Jason qui a fait le 0870-42-48. Ça va, Jazz? Salut, le Rico Show. Salut, oui. Alors, Jazz, est-ce que t'as déjà eu une excuse pourrie lorsqu'on t'a trompé, mon Jason? Carrément. Raconte-moi. Bah, c'est-à-dire que moi, en fait, la pire connerie que j'ai pu sortir, quand j'ai trempé ma meuf à l'époque, ouais. c'est que c'était pour tester le sentiment envers elle. Et, ah ouais. Ouais, carrément, quoi. Ah ouais. Bah, en fait, j'ai trempé qu'une meuf, et puis. Ah, c'est toi le salaud. D'accord, Jason. En fait, elle est venue, j'ai mis mon portable, sur silencieux, donc pour pas te déranger. Et elle est venue en plein moment, qu'est-ce que tu fous là, bordel, c'est quoi ce bordel? Normal. Et j'ai sorti ça, c'est le premier truc qui m'est venu. Ah ouais, et puis à la fin, elle dit non, mais t'inquiète, hein, j'ai mis une capote. Hein. Tu sais, pour rassurer l'angoisse, mon Jason, c'est pas bien, Sylvain. Non, mais si tu l'appelles par le prénom de sa meuf, ouais. Ça compte. Ça compte pas. Ouais. Faute avouée, à moitié pardonnée, c'est un peu ça, quoi. Je pense. Hein, ça fait plaisir à Sarah, regarde. Non, moi, je vais pas vous blâmer parce que j'ai déjà trompé une fois il y a très longtemps. Attends, avec la bouche, juste un bisou. C'est et le mec, il m'a cramé en flag en boîte. Ouais. Et je lui ai dit, écoute, je vais t'expliquer, le mec menaçait ma famille si je ne sortais pas avec lui. Ah ouais. Une grosse mytho. Ah bah, s'il avait pu les kidnapper, hein. Je vous expliquerai, ce week-end, j'ai subi les foudres de sa famille. Je vais vous en parler, les foudres de la famille Cadour. Vous ne rêvez pas, les amis. Il y a aussi une excuse qui m'a fait beaucoup rire, c'est je croyais que tu me trompais, alors je me suis vengé. Celle-là, attention, elle est notée. Elle est notée. Oh, mais c'est énorme, ça, franchement. Ah, franchement, c'est pas mal du tout. Moi, j'aime bien celle-là aussi. Elle est pas mal. Allez, les amis, on va se faire le canure. Vous voulez bien? Ouais. Il est inédit en radio, on kiffe. Moi, Jason, je te fais un petit cadeau. Merci d'avoir inauguré la semaine, mon petit Jazz. Ok, ça marche. Merci beaucoup à toute l'équipe. Et puis, continuez comme ça. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment génial. On te kiffe vraiment, mon Jazz, Damien. Ciao, plein de bisous. Bisous. On te fait un petit cadeau avant de partir. C'est Noël. On va faire des cadeaux toute la semaine. On va se régaler. Sarah, on se fait l'appel mégaphone. Ah ouais, l'appel mégaphone. Et en fait, à la suite d'une manifestation, nous recherchons le mégaphone qui aurait servi à insulter le commissaire Latour que tu incarnes. Alors, vous allez répéter parce que si c'est pas vous, vous me répéterez les phrases qui ont permis d'insulter ma personne. C'est ça. Et je l'ai trouvé sur Bon Coin. C'est une dame qui vend un mégaphone similaire. C'est bizarre, inspecteur. Oh là là. Oh ça pue, ouais. Oh ça pue, on se le fait. Votre radio préférée. Vos hits préférés, ici. Ici, c'est Énergie. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Le monde a sombré dans le chaos. De gigantesques villes nomades arpentent la terre en quête de proie. Cité prédatrice en approche. Peter Jackson présente Mortal Engines. Pour stopper cette mécanique mortelle, seule une jeune rebelle peut sauver le monde. Je savais que tu me lâcherais pas. Par les créateurs du Seigneur des Anneaux, Mortal Engines, actuellement au cinéma, avec Énergie. Salut, c'est Sarah Lopez. Retrouvez-moi dans la Villa des Cœurs Brisés. Incapable d'avancer dans notre vie amoureuse, on a été coachés par Lucie afin de régler notre problématique. Coup de cœur, déception et véritables amitiés. Suivez notre aventure hors du commun. La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 18h35 sur TFX. Mardi, il est arrivé un truc fou à Jeanne et Alice. Elles ont vu un ptérodactyle se poser sur leur balcon. Ouais. Mais le plus fou, c'est qu'elles mangeaient des pizzas larges Domino's à 7,99€. Les mardis fous, toutes les pizzas, toutes les tailles sont à 7,99€. Prix conseillé à emporter hors signature, conditions et magasins participants sur dominos.fr. Mercredi à 20h50 sur RMC Découverte. Ils sont de retour et la pédale les démange furieusement. Philippe et Bruce partent au Pérou pour un road trip complètement déjanté. Leur mission, retrouver Tone, perdu dans la vallée Inca. Top Gear France, road trip au Pérou, c'est mercredi, dès 20h50 sur RMC Découverte. Plus fort que la fiction, Canal 24. Salut, c'est Manu. Toi qui l'as conduit qu'à l'aller. Toi qui as dansé toute la nuit avec un serre-tête licorne debout sur le bar. Toi qui as chanté très fort, très longtemps et très très faux dans la voiture. Mais toi qui es rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Parce que vraiment, tu chantais très faux. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner 2 places de concert Énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018. Règlement sur énergie.fr. Music only. It's a fine day. People open windows. They leave their houses just for a short walk. Just for a short walk. It's going to be a fine. C'est votre émission. Tous les soirs, 20h-23h. Avec Aymeric Ponnerier. Sur Énergie. Eh oui les amis, quel kiff d'être avec vous. Oh là là, on se régale, c'est le bonheur. On a déjà fait 15 minutes d'émission et Sylvain nous a sorti ça. Ça c'est l'arbre géanogique. Ah oui. Faut se remettre en route, hein. Évidemment les amis, c'est vrai, c'est le grand kiff. On va tenter de renouer les liens d'une maman et d'une fille qui ont disparu, qui sont évaporées avec une histoire complètement ouf. J'ai la contagion de Sylvain. On se fera aussi le Tinder de la peur. Sylvain va accueillir sa prétendante chez lui et elle va apprendre à la télé qu'il est recherché. Et ce soir, il est footballeur, on espère qu'il va la mettre au fond. C'est dit, on va s'écouter le dernier Ariana Grande là, ça arrive. Wow. Oh là là, ah, quel orifice. Ah, j'adore. C'est du grande art. Ah c'est puissant. Les amis, on va se le faire. Ça y est, c'est le moment, c'est le canur. Tout le monde est en danger. C'est l'heure du canur. Le canular du jour sur Énergie. Emma Sarah, on cherche un mégaphone. Je crois qu'il a servi durant une manifestation. Et en plus, on a insulté le Latour, que je suis commissaire durant cette manif. C'est ça, et cet après-midi, je me suis fait passer pour ta secrétaire et j'ai dit à la dame qu'on l'accusait, qu'on allait faire des tests auditifs avec ce mégaphone. Très bien, reconstitution des paroles en direct. On y va en appel. Allez, commissaire. Allô. Oui, bonjour madame, monsieur Latour à l'appareil. Comment allez-vous? Oui. Ça va très bien. Bon, on est ravis de vous avoir au téléphone. On doit éclaircir une sombre affaire avec votre mégaphone. Allons-y. Est-ce que vous pouvez me parler dedans? Alors, attendez, je baisse ma télé déjà. Allez-y. On va faire un bazar. Bonjour, monsieur. J'espère que je n'ai pas de problème avec ce mégaphone. Très bien, racontez-moi un petit peu combien d'enfants vous avez, votre vie, etc. Le temps que je puisse identifier votre voix. Allez-y. Je suis veuve depuis 3 ans. J'ai eu 3 enfants avec mon mari et ce mégaphone ne m'intéresse pas du tout en plus. Il vient de je ne sais où, de mon mari, un copain qui lui a donné il y a quelques années. Très bien. Alors maintenant vous allez dire ce que je vous dis, d'accord? Vous allez prononcer Macron, arrête de nous prendre pour un con. Oh, c'est pas gentil, c'est pas beau ça. Ah, c'est pas beau, mais c'est ce qu'on a entendu sur le pavé, on y va. Macron, arrête de nous prendre pour un con. Si tu veux nous la mettre dans le huc, il va falloir repasser. Ouh là là. nous mettre dans le but qu'il faudra repasser. Très bien, Chantal. On continue et on dit à Chantal... Vous êtes sûr que vous êtes la gendarmerie ou le commissaire ou je ne sais qui, hein? Bien sûr, madame. On me parle dans le mégaphone, s'il vous plaît, hein, quand on me parle. Je ne comprends pas qu'on me pose toutes ces questions pour cet engin que demain je vais brûler. Très bien, vous allez le brûler. En attendant, c'est les flics que vous avez voulu brûler, Chantal. On vous a reconnu, hein. Non, pas brûler, j'ai dit je vais le brûler. Oh, Chantal, on parle dans le mégaphone, je vous ai dit. Je pense que je suis en train de gêner les voisins. Vous pensez gêner les voisins, d'accord, très bien. Vous allez répéter juste un truc. Oui. Le pavé, j'en ai pas peur, de toute façon, j'en ai dans le slip. Le pavé, j'en ai pas peur, de toute façon, j'en ai dans le slip. Vous allez répéter cette phrase après moi. J'en ai marre. J'en ai marre. Je suis en train. Je suis en train. De me faire avoir. De me faire avoir. Sur énergie. Sur énergie. Voilà. Non, attendez, je vais arrêter parce que je trouve pas ça sérieux du tout. Demain, je vais à la gendarmerie avec mon mégaphone. Je vais leur donner et je pense que ça s'arrête. Mais vous avez entendu la phrase que vous avez dite la dernière dans le mégaphone? Non, du tout, mais j'écoute pas, je répète bêtement. Bah, allez-y, bah, répétez-la une dernière fois et essayez de la comprendre. J'en ai marre, je me suis fait avoir sur énergie. L'EDF, l'énergie, le courant. Vous connaissez pas la radio énergie? Ah ben punaise. Chantal, vous êtes fait piéger. Bravo Chantal. On vous fait plein de bisous, vous êtes en direct sur énergie. On est là de 20h à 23h. Et tout va bien, vous pouvez garder votre mégaphone. C'est une blague Chantal. Écoutez, au revoir. Au revoir. Elle est géniale. J'adore Chantal, oh, les amis. Oh, les news arrivent, on va parler Miss France. Des infos que vous n'avez pas. Personne n'en a parlé. Ouh. Et puis vous allez voir qu'il y a une opération qui est en train d'inquiéter les médecins. Eh oui, ah bon? Eh oui, c'est le nouveau Ariana Grande. Tinder arrive. We gon' sleep till noon. Me with no makeup, you in the bathtub. Bubbles and bubbly, ooh. This is a pleasure, feel like we never like this regular. Click, click, click, and post. Drip, drip, drip, and go. Quick, quick, quick, let's go. Kiss me and take off your clothes. Imagine a world like that. Imagine a world like that. We go like up till I'm asleep on your chest. Love how my face fits so good in your neck. Why can't you imagine a world like that? Imagine a world. Knew you were perfect after the first kiss. Deep breath like ooh, feels like forever. Maybe I never thought that it would be you. Tell me your secrets, all of the creep shit, that's how I know it's true. Baby directed, name in the credits, like the movies do. Click, click, click, and post. Drip, drip, drip, and go. Quick, quick, quick, let's go. Kiss me. Till I'm qui a lui aussi son JT. C'est les news de Rico sur Énergie. Tiens, dites-moi, hashtag Rico Show sur Énergie, ce que vous avez pensé du dernier Ariana Grande. Qu'est-ce qu'elle en a pensé, la chanteuse Sarah? Alors j'adore, ça me fait penser un petit peu Maria Carré à l'époque, avec les vibes, les aigus et tout, j'adore. D'accord, bravo, on sent que t'as des parts. Hein. Moi je trouvais ça moyennasse. Les amis, on est là jusqu'à 23h, va y avoir que du bon son et du kiff. Vous le savez, c'est une vanne. Les amis, les news sont folles aujourd'hui. Notamment, vous avez vu les Miss France. Ah oui, là on a été servi, hein. Salade tomate-oignon, hein. On a vu de la poitrine dans les loges. Ah ben là c'était Miss Saint Nu, hein. Ah oui. C'était samedi d'ailleurs. Ah oui, il se rappelle même du nom de la Miss qui était seins nus. Hein. Il m'a dit c'est Eva, je crois, non? Ah oui, il a fait le replay. Non, mais il connaît pas d'où elle vient, mais il connaît son prénom quand même. Je crois qu'il allait dire la région. Ouais. Il a vu la photo un long moment. Je vous expliquerai dans quelles conditions. Mais c'était fou. Et d'ailleurs, elle est magnifique, hein, Miss Tahiti. Franchement, je la trouve extrêmement belle. Non, mais c'est vrai, Sarah. Bon, c'est pas la plus belle. Hein. Alors, ah bon non, mais Chavez. Au risque de paraître bizarre, moi, je trouve que c'est pas la plus belle. Je suis désolée. Ah ouais, je trouve pas qu'elle a une tête de dingue. Mais non, oh, la jalouse. Non, je préfère l'année dernière. Oh là là, Sylvie. Habillé ou seins nus, c'est ça? Non, elle, on l'a pas vue. Non. T'inquiète pas, elles l'ont gardé au chaud. Aurélie a fait le 0870 42 48. Ça va, Aurélie? Salut tout le monde! Salut ma poulette! Avant de se faire ça le Tinder de Sylvain, bah Aurélie, on fait les news comme d'habitude. Ouais. Et on a vu la nouvelle Miss France. Tu l'aimes ou pas, toi, cette nouvelle Miss France, Aurélie? Ah bah moi, je la trouve super belle. Hein. Bien sûr. Très très belle. Moi, je la trouve magnifique. Et il faut savoir, Aurélie, quand. Une journée, elle a eu plus de followers que la dernière Miss France qu'on a eue. C'est-à-dire que la dernière Miss France sur un an, elle a eu un compte Insta, etc. Elle, en une journée, elle en a fait plus qu'elle. C'est ouf. Comment ça se fait? Ça m'étonne pas. Parce que les gens veulent la voir, elle est jolie, ils ont envie de la suivre, elle a un délire un peu qui change et elle est magnifique. Et toi, tu l'as suivie ou pas? Écoute, c'est suivi. Mais ça a été défollow rapidement. Ah merde. Elle a follow back? Ah ouais, non. Elle a pas refollow? Non, elle a flippé back. C'est un petit peu pareil, mais c'était. Ouais, elle a fui. Allez, les amis, en parlant justement, beauté, il y a une petite opération qui fait peur aux chirurgiens esthétiques. Oh, c'est pas une vanne. A priori, mesdames, vous êtes à fond sur l'augmentation des tétons. C'est vrai, Aurélie, apparemment, vous faites une fixette sur les tétons. Hein, les tétons en apéricube ne vous plaisent plus. Ouais. Vous souhaitez les changer, les modifier. Et a priori, on n'est pas encore sûr de la chirurgie à 100%. Et du coup, les médecins alertent un petit peu sur ça. On sait que la tendance, c'est de ne pas avoir de sous-vêtements. Et du coup, on a les tétons sous le t-shirt. Et on aimerait qu'ils pointent un petit peu comme on veut. Ouais. Hein, C'est vrai, Aurélie, qu'est-ce que tu fais, toi, pour être bien dans ton t-shirt? Non, mais c'est ouf. Moi, je mets des soutiens-gorge, mais c'est vrai que c'est chiant. L'été et tout, quand on n'a pas de soutif, c'est vraiment chiant, quoi. Ah, mais c'est vrai. Ouais, j'avoue, l'été non, mais c'est vrai. Et mais vous êtes de plus en plus de femmes à y penser, ça. Non, mais je comprends. Déjà, pour qu'ils pointent, il faut mettre un petit peu des glaçons et ça marche grave. Ouais, d'accord. Mais je comprends parce qu'il y a des nanas qui ont les mamelons un peu marrons, pas assez clairs, des crevasses et tout. Donc, je comprends, moi, cette opération. Ouais, Aurélie, je te sens première sur le téton, là. Je te sens intéressée. C'est un peu bizarre, mais c'est pas bête. Oui, c'est pas bête. Non, mais c'est vrai, Sylvain. Ah non, moi, les pizzas, je les préfère dans les assiettes. Hein. Oh là là. Ah non, j'aime pas les. Ah non, les tétons en forme de pizza, c'est pas beau. Hein. C'est vrai? Ah ouais. Oh, je suis sûr que sur un beau téton, tu passes du temps. Allez, les amis, on se met Drake sur Energy et on va faire un petit point hygiène. Vous allez voir que le bain, c'est pas ça. Eh oui. Ah bon? Eh oui, la douche, c'est mieux. Sur Energy. Yeah. Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí, haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar, lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera, y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar, dile que tú eres mía. Lo mío está mi respirar. Contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como Adderall. Contigo me sube el overall. Te toco y hasta el mundo deja de ir. Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía. Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma y los espanto. Ya me quieren desde que yo canto. Pero yo soy tuyo nada más. Yo soy tu Romeo, pero no santo. A tu pavo con la for y los espanto. Ya me quieren desde que yo canto. Pero yo soy tuyo nada más. Jusqu'à 23h, le Tinder de la peur arrive. Sylvain va accueillir sa prétendante à la maison. Elle apprendra qu'il est recherché à la télévision. Ça va être énorme. Ça va être énorme ce soir. Les footballeurs, elle a prévu que des trucs de ouf. Franchement, on va se régaler. On est hyper content d'être avec vous. Vous êtes hyper nombreux sur les réseaux, hein, sur le Snap Rico Énergie, ouais, ou hashtag Rico Show sur Énergie. Aurélie a fait le 0870 42 48. Aurélie, tu sais qu'en ce moment, c'est Noël. On a tous besoin de thunes. Même quand c'est pas Noël. Ah oui, oui. Mais particulièrement à Noël. Particulièrement. Non, mais franchement, on aimerait faire plaisir à tout le monde. Ah bah ça, c'est sûr. C'est là que je suis content d'être associable. C'est le gars l'horreur. Je redoute Noël, je fais Noël tout seul. Je me barre. Ah bah oui. Non mais c'est vrai. Et là, vous savez, la semaine dernière, on a entendu parler de ce fourgon de la Brinks là. Ouais, tu sais, les convoyeurs de fond, ma Aurélie. Il y avait une porte qui était ouverte et il y a plus de 500 000 dollars qui se sont évaporés. On a l'impression d'avoir une pluie de billets. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Eh bien, on sait maintenant que c'est 500 000 dollars qui se sont évaporés. Ça crée des accidents sur l'autoroute et tout, mais pas que, c'est un peu la période en ce moment. À Hong Kong, il y a un espèce de Robin des Bois qui vole l'argent des riches grâce aux plateformes, vous savez, de transfert d'argent, etc. Il volait le pognon, il a créé un compte, il a retiré le blé et de la fenêtre du 50e étage dans les buildings, il jetait l'argent pour les pauvres par les fenêtres. Ah, c'est énorme. Si, ça s'est passé à Hong Kong. Nous, Robin des Bois, le pognon, il le garde pour lui. Et il reste dans les bois. Ah, oui. C'est Robin du paradis fiscal. Non, mais c'est vrai, ça arrive jamais. Arrêtez de vous réjouir, c'est un coup de com. Le gars en haut d'un building, il y a des pauvres en dessous d'un building en fait. Ouais. Bah pourquoi il va pas les donner directement dans les bidonvilles? Pourquoi en haut d'un c'est building? C'est pour le show. Donc voilà, c'est un escroc le gars. Voilà. Mais non, parce que non. C'est toi qui l'a. C'est un coup de pub. Mais c'est toi qui l'a volé ou quoi? Sois heureux pour lui. Non, c'est pas Robin des Bois. Mais bah si, c'est Robin des Bois. C'est Robin des immeubles. Excuse-nous, Yasmine des Caves. Mais voilà, quoi, mais... Je rigole, des caves à vin, j'espère. On va parler de ton père qui m'a escroqué. Je vais t'en parler, Aurélie, tout à l'heure, je me suis fait escroquer ce week-end. On va vous en parler. Non, mais je l'ai mauvaise. Tiens, en parlant de ça, si on se lavait, tu te laves comment, toi, Aurélie? Qu'est-ce que tu privilégies pour te laver? Ah bah la douche c'est mieux hein. Ah la douche c'est mieux. Non mais ça vient de tomber parce qu'a priori prendre un bain rendrait sale. C'est pas une vanne. Les addicts du bain risquent de changer leurs habitudes. En fait ce qui se passe, c'est quand vous prenez votre bain, vous macérez dans vos bactéries, macérez dans vos saletés. La température de l'eau qui stagne comme ça, c'est pas idéal pour se laver. Et en plus on a les parois du bain qui sont souvent pas très très très propres. Surtout dans les hôtels quand c'est la voisine qui a pris la douche. Ou passez, prenez la piole après Sylvain. Vous pensez que les femmes de ménage elles récurent? Pensez qu'elles récurent la baignoire? Vous arrivez derrière, vous êtes contaminé. Je veux dire, moi je prends un bain avec un préservatif. Il faut le savoir ça. Non, mais attends, surtout quand tu sais qu'il y en a qui font leurs besoins dans le bain. C'est ça pas... c'est dégoûtant quand tu passes après. Non, mais c'est vrai, il y en a qui le font. Ah oui, ils exterminent tout au Karcher. La douche à froid, pam. Ça s'appelle l'eau croupie, on appelle ça. Ah ouais, le croupie. Ouais. C'est quoi le croupie? Bah c'est l'eau un peu pourrie quoi. Ah d'accord. Ouais. Merci hein. Non, mais moi d'ailleurs quand je prends un bain le dimanche, c'est pas vrai. Ça dure 4 jours moi le bain. Ah ouais. Bah t'imagines. Ah bah c'est pour ça que t'es bien sale pour la semaine, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est ce qu'on est en train de dire. Aurélie, le bain, c'est pas ton délire, on le sent. Hein. Ouais, mais quand j'étais petit, je prenais le bain avec mon frère, donc c'est vrai que je changeais un peu de microbe. D'accord, on veut pas savoir, Aurélie, c'est dégueulasse. Ça vous regarde. Aurélie, c'est dégueulasse cette histoire. Non, je rigole, on a tous pris des bains en famille. Ah bon? Moi, je m'en rappelais, je me levais, je pissais sur mon frère. Et ils se rendaient pas compte vu que c'était de l'eau chaude. Ah, je peux te dire qu'il a l'oreille qui lui grattait. Hein. D'ailleurs, moi j'ai pris un bain avec ta mère, franchement c'était top. Hein. C'est gentil, c'est gentil. En plus, elle vient pas t'envoyer un message, Rico ? Oui, oui, elle m'a dit je suis chez le docteur, j'ai besoin d'antibiotiques. Jérémy Frérot sur NRJ, cette émission est complètement folle, les amis. Je vais vous parler de la belle histoire du jour, tiens. Ça, ça va vous redonner le sourire. J'appelle ma mère tout de suite. À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait. Ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages, là, je peux s'en moquer. Mais pousser les nuages, nous devons y pas. Ces pensées à lever sur cette lune les yeux. Pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur sans peur du ciel, oh ni d'éternel. D'une note passée, penser à lever sur cette lune les yeux pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire. De la hauteur, ah, ah, ceci n'est pas un au revoir, car je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Et si tu as peur du cadran, oh, regarde bien tous ces gens. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Fin des news et derrière c'est le Tinder de la peur. Le Rico Show, c'est votre émission. Tous les soirs, 20h-23h. Avec Aymeric Pommerier sur Énergie. Eh oui les amis, on est ensemble pour kiffer du lundi au vendredi, 20h-23h. C'est un vrai bonheur franchement, ah ouais, d'être avec vous. Aurélie est là. Et Aurélie, oui, pour terminer, je voulais te parler du héros du jour. Oh. Non mais ça m'a touché. Peut-être que vous n'avez pas de cœur autour de cette table, hein, mais je suis sûr qu'en voiture à la maison vous en avez. En fait, c'est en Nouvelle-Zélande. Il y a un retraité du nom de Gus Hutt. Eh ouais les amis, ils ont des noms chelous, hein. Ouais, le grand. Ça aurait pu être le grand-père de Sylvain Gugus, mais c'est pas lui. C'est juste Gus. Et en fait, il a sauvé la vie d'un bébé de 18 mois. Je vous raconte cette histoire complètement folle. Il y a des parents qui sont dans une tente, d'accord. Ils sont en train de dormir en mode camping au bord de la mer. Okay. Et en fait, le gosse est dans la tente et il dézippe en fait la tente et il sort. Et eux ne l'entendent pas puisqu'il est 7h du matin, le bruit des vagues, les oiseaux qui chantent, pam pam, c'est pas le zip de la tente. Voilà, ça roupille. Et en fait, il a marché près du sable et évidemment, les vagues l'ont happé, d'accord. Il y avait un pêcheur à 7h du matin dans cet endroit perdu. La Nouvelle-Zélande, c'est vaste. Hein. Surtout là-bas, c'était pas un lieu touristique, quoi. Et en fin de compte, le pêcheur s'était décalé de 700 mètres de son endroit d'habitude. Et puis là, il voit un espèce de bébé dans l'eau. Il pense que c'est une poupée. Il y va quand même, dans le doute. Et puis en fait, il voit ce bébé en train de pleurer. Et ça faisait à peine une minute qu'il était dans l'eau. Il lui a sauvé la vie. Et il a dit, c'était pas son heure. Bravo. Bravo. Non mais attends, heureusement qu'il avait pas la vue de JM, hein. T'imagines, il l'aurait pêché. C'est possible. C'est pas con, ça va, Sarah. Vous l'aurez pris pour un ballon de rugby, parce qu'en Nouvelle-Zélande, imagine. Ah ouais, c'est clair, dans l'eau, ouais, merci. Je préférais la vanne de Sylvain. Je sais pas ce que t'en penses, Aurélie, mais il aurait pas dû la faire. Elle fait une vanne énorme, tu vois. Et lui, il se dit, j'y vais, tu sais quoi. J'y vais en gueudin. Je suis un gueudin, je suis fort, j'y vais. Heureusement que c'était pas lui le pêcheur, cool. Parce que sinon. Ah ouais, non. Oh là là. Oh les gars, Sarah avait terminé le game. Elle avait terminé. Désolé, Sarah. Merci. Princesse Sarah. Sarah est vraiment la meilleure de cette équipe. Oui. C'est pour la mettre en valeur qu'on fait des blagues de merde. Elle a fait une bonne blague derrière. Et pour oublier qu'elle m'a escroqué ce week-end. Ça fait 4 fois, il le dit. Aurélie, je vais t'en parler. Elle m'a escroqué ce week-end, je vous le dis, à hauteur de 1 000 euros. C'est pas moi. Ah oui, non, mais c'est de l'escroquerie pure et dure, Aurélie. On va en parler. Je suis dégoûté. Je suis sûr qu'à la maison, en voiture audite, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle a fait? Des amis, des frères et sœurs. 1 000 euros. Dis-le-moi si tu veux mon pognon, mais me vole pas. Mais c'est pas moi. Je vais vous dire, franchement, elle a volé un peu tous les auditeurs. Quoi? Allez. Mais c'est pas moi. C'est... On peut dire ça. C'est pas moi directement. C'est pas gentil. Je me dédouane de la personne de qui on va parler ce soir. D'accord. Je me dédouane de cette personne. Qui est mon père. Oh. Aurélie, c'est une sombre histoire. On va en parler. Merci Aurélie d'être passée. Je te fais un cadeau. Et surtout, Aurélie. Oui. Si Sarah prend le relais au standard, tu ne réponds pas à la dame. Elle va te demander ton numéro de carte bleue. Elle va te voler. Tu ne parles qu'à Stéphanie au standard. Personne d'autre. Je méfie. Bisous Aurélie, on t'aime. Ça va, c'est trop un bisou. Bisous Aurélie d'amour. Plein de bisous les amis. C'est un bonheur d'être avec vous. N'hésitez pas à commenter hashtag Ricochot sur énergie. Oui, il y a du dossier. Oui, on va en parler, Sarah. On essaiera aussi de permettre une nouvelle rencontre, j'ai envie de dire, entre une maman et sa fille qui se sont séparées, perdues de vue. Sylvain, t'es chaud pour le Tinder de la peur? Ah ben je suis chaud là, hey, oh. Oh là là mon Sylvain. C'est parti, on y va. Je suis en mode footballeur aujourd'hui, hein. Ah oui, je sais. Ouais. Et tu comptes bien nous faire de la reprise de volée de tous les côtés. Exactement. Je le sais, t'es comme ça toi. Ça va être énorme les amis, et elle va apprendre à la télé qui l'a recherché. Sylvain dans le Tinder de la peur, c'est maintenant. Énergie présente la Columbia Session de Jane. À Paris. C'est Jane, venez faire la fête avec moi. Jane a réservé un concert privé aux auditeurs d'énergie le 18 décembre sur la péniche Le Flot. NRJ, yes. Gagnez vos invitations maintenant sur energy.fr. La Columbia Session de Jane à Paris, un événement énergie. It's music only. 100 ans après le grand cataclysme, des villes nomades parcourent la Terre, détruisant tout sur leur passage. Cité prédatrice en approche! Mortal Engines, Peter Jackson vous embarque dans un futur mortellement dangereux. Rien ne peut résister à ça. Découvrez la nouvelle saga épique des créateurs du Seigneur des Anneaux, Mortal Engines, actuellement au cinéma. Avec énergie. Mardi, il est arrivé un truc fou à Jeanne et Alice. Elles ont vu un ptérodactyle se poser sur leur balcon. Hein? Mais le plus fou, c'est qu'elles mangeaient des pizzas larges Domino's à 7,99€. Les mardis fous, toutes les pizzas, toutes les tailles sont à 7,99€. Prix conseillé à emporter hors signature, conditions et magasins participants sur dominos.fr. Énergie, it's music only. Avec Rita Ora en concert. This is Rita Ora, Maradios, c'est Energy. Ne ratez pas le concert événement de Rita Ora le 2 mai au Bataclan. Info et réservation énergie.fr, livenation.fr et point de vente officiel. Rita Ora en concert. Un événement énergie. Salut, c'est Coé. Toi qui par chance s'est fait piquer ses clés de voiture hier soir. Toi qui a parlé toute la soirée avec un lampadaire. Toi qui a dormi avec ta perruque fluo. Et toi qui est rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner 2 places de concert énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect, Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018. Règlement sur énergie.fr. Le Rico Show, c'est votre émission. Tous les soirs, 20h-23h. Avec Aymeric Pommerier. Sur Énergie. Eh oui les amis, le Tinder de la peur. C'est maintenant sur Énergie. Sylvain accueille sa prétendante et elle va apprendre à la télévision qu'il est recherché. Il est déjà en tenue de sport, en tenue de foot, en transpirant. Oh. Il a matché avec cette dame sur Tinder. Elle ne s'attendait pas à connaître l'horreur sur Énergie. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind, out my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll chez lui pour trouver l'amour. En réalité, elle découvrira que lors de son rendez-vous amoureux, que le prince charmant n'est pas celui qu'elle croit. Comment ? Par la télévision, qui lui diffusera une bande-annonce pour l'annoncer recherché. Le Tinder de la peur, c'est maintenant. Et oui les amis, on en frissonne hein. Tout à l'heure on essaiera même de permettre à une maman de retrouver sa fille sur Énergie. Ça va être complètement ouf. Mon Sylvain, comment ça se passe l'accueil de ta prétendante du jour, mon Sylvain? Ah ben là, là je suis à l'intérieur, là, je la vois dans le ton là. Elle arrive. D'accord. Écoute, on te laisse l'accueillir hein, très tranquillement. Il y a pas de problème. Dans deux minutes, on se connecte avec lui. Ça va être une folie. Je suis comme un fou. Les amis, on se fait une patate shot rapide. Ouais. Tiens, vous êtes inscrit sur le Snap RICO Energy. Vous avez appelé le 0870 42 48 et grâce à ça, vous allez pouvoir remporter un cadeau. Il y a Sarah. Sarah, t'es représentée. Oui, quelqu'un compte sur toi pour remporter cette patate shot. D'accord, ma Sarah. C'est Gabriel. Ça va, Gabi? Ouais, ça va toute l'équipe. Salut mon Gabi. Allez, courage. Bien joué mon Gabi. Il est à fond. Il y a Christophe aussi, mon Christophe. Ça va mon Christophe? Ouais, salut l'équipe. Christophe, allez. Tu voulais Sylvain. Sylvain n'est pas là. T'es représenté par notre stagiaire Victor. Ok Victor? Ouais, c'est bon, je suis là. Oh là là. Je suis là. C'est sa première radio, mon Christophe. Bravo. Merci. Bravo Victor. Ça va être dur. Hein. Ouais, là, il est dégoûté. Sylvain, c'est bon. Christophe, il est dégoûté. Non, Christophe, on peut avoir des surprises. T'inquiète pas. Il y a Anissa qui est là. Ça va Anissa? Salut Rico, salut l'équipe. Salut Anissa. Ça va très très bien depuis que je vous ai au téléphone. Oh, c'est nickel. On t'aime ma chérie. Tu prends qui? Écoute, JM, hein, sans ouais. KOM. Allez, merci cousine, ça fait plaisir. C'est parti les amis, patate chaude. Rico, et après on se fait. Allez, c'est parti. Top. Avec le blanc, quelle est l'autre couleur du drapeau danois? Danois, c'est le rouge. Bonne réponse. Attention Sarah, dans un slalom, comment appelle-t-on les espaces entre deux piquets par lesquels doivent passer les skieurs? Touchous. Les portes. Merci. Combien a-t-il de milligrammes dans un demi-gramme? 500. Bonne réponse. Ouf. Attention Victor, en quelle année les billets et pièces en euros ont-ils été mis en circulation? 2001. Non, 2002. Mauvaise réponse. À quelle saison associe-t-on les rouleaux proposés dans la cuisine asiatique? Je sais pas, les rouleaux de les boules printemps. Bonne réponse. Attention, JM, au poker, que fait un joueur quand il fait tapis? Tapis, il met tous ses jetons. D'accord, Amy Stou, bonne réponse. Attention, avec quel comédien Eric Judor forme-t-il le célèbre duo comique? Ramzy Bedia. Bonne réponse. Attention, Victor, chez l'homme, combien de phalanges de gros orteils possède-t-il? 5. Non, 2. Combien de nuits par semaine le groupe Indochine chante-t-il en 85? Passe. 3. De quel ours héros de dessin animé Coco Lapin est-il l'ami? J'en sais rien. Willy l'ourson, qui chante pas toi en 85? Je sais pas, en 85, oh, j'étais pas né. C'était Jean-Jacques Goldman. Non, j'en sais rien. Et Victor, Winnie l'ourson là? Bah, je sais pas, j'ai jamais vu. Oh là là. Mais moi c'était plus les Tarzan, tout ça. Victor, notre stagiaire quand même, bravo à toi, mais Victor. Christophe, je vais quand même te faire un cadeau là, parce qu'il y a erreur sur la marchandise. Bah, tu repars avec Victor. On t'embrasse, mon Christophe, t'inquiète pas, on te fait un petit cadeau. On se fait la finale, allez. Parce qu'il paraît que ça chauffe dans le Tinder. Ça chauffe. Attention, top finale, Sarah contre JM, c'est parti. Allez, top, on y va. Sarah, quel organe du corps humain appelle-t-on familièrement le palpitant? Le cœur. Bonne réponse. Attention, JM, en France, quel est le seul stade pouvant accueillir jusqu'à 80 000 spectateurs pour un match de rugby? Le Stade de France. Bonne réponse. Attention, en ski alpin, quelle technique de freinage apprend-on aux débutants? Le chasse-la-neige. Ouais, bonne réponse, le chasse-neige. De quel cow-boy de bande dessinée dit-on qu'il tire plus vite que son ombre? Bonne réponse. Par quel terme désigne-t-on fréquemment les personnes qui prennent leurs vacances au mois de juillet? Les juilletistes. Bonne réponse. Attention, JM, que dit un anglais quand il prononce les mots thank you? Merci. Sarah, quel animal est le gardon? Un cochon. Un poisson. Quelle héroïne de dessin animé possède un sac à dos qui parle et qui chante? Dora l'exploratrice. Bonne réponse. Attention, JM, quel animal est Bagheera dans le livre de la jungle? C'est une hyène. Non, une panthère. De quelle couleur est l'étoile sur le drapeau du Maroc? Verte. Bonne réponse. Comment appelle-t-on les habitants de Bastia, Sarah? Les Bastiens. Non, les Bastiers. Qu'est-ce qu'une morille? Un poisson. Un champignon. Vite. Quelle était la nationalité du peintre Vincent Van Gogh? Italien. Néerlandais. Quelle est la racine 436? Oh là là, elle est mauvaise. C'est gagné pour JM. Ouais. Ça m'a motivé, ma poule, merci Anissa. Ah, merci. C'est gagné pour toi, ma chérie. Bravo ma Anissa d'amour, ok? Je vous remercie, franchement, vous m'avez mis au top ce soir. On t'aime, écoute, ça change de l'OM. Ouais, grave. En ce moment, c'est vrai que mes amis marseillais, c'est dur. Mais on est avec vous allez remonter la pente. Bisous Anissa, ne raccroche pas. Et Gabi, je te fais un petit cadeau, mon Gabi d'amour. Pardon, bisous. Pas de soucis. Écoute, t'as pris une fille d'escroc. Je te raconterai ça. Oui, je bouillonne, mais je vais vous le raconter. Je me suis fait escroquer. Oh là là, je me suis fait escroquer. Est-ce qu'on n'écouterait pas un peu ce qui se passe dans le Tinder de Sylvain? Sylvain qui a accueilli une prétendante, il va allumer la télé, on va l'annoncer recherché. Et je crois qu'il est footballeur ce soir, on se connecte. Ah, je suis un fan de foot, moi. Ah ouais, j'adore le foot. Ah ouais. J'adore. C'est attaquant. Je suis pas attaquant, je suis plutôt renard des surfaces, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'aime bien la grande surface, quoi. Oh là là, à moitié à poil, tout va bien. Ah non, non, mais t'aimes pas le t-shirt sexy, hein? Si, c'est sexy, quoi. Hein? Sexy, ouais. Regarde. J'ai même pris le vélo, puis tu les ai enlevés. Ah bah non, mais c'est pas ça, c'est que... Donc t'attaques. Non, j'attaque pas, non, mais c'est que... Ah oui, il attaque, hein. Allez, zoom, soprano. On y va, on est là sur NRJ jusqu'à 23h, ça va être complètement ouf. Oh là là, je le sens bien, Ça discute. On écoute un peu? Oui, écoute un peu, ça discute. Non, franchement, moi je peux le dire. Moi j'adore le foot. Oh, bah super. Je marque des buts. Je suis pas, t'as 42, 43 ans. Pas de simulation, c'est vrai. Alléluia, alléluia. Hermano Soprambaba. Hermano Shahuela. Je suis toujours resté le même. Je suis toujours resté franc, oui, comme ma première SACEM. 20 ans au-dessus de la mêlée, je ne sais pas m'arrêter. Je sais que je devrais en laisser, mais bon, je ne sais que les dresser, car j'ai ça dans l'ADN. Non, je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas faire doucement. Je les entends me tailler, normal, on taille que les diamants. J'ai dû hériter de la baraque de mon voisin Zinedine. À la baraque, il y a une décennie de trophées, mais que des retournés à la Gareth Bale. Les baffes, leur donner le tournis quand tombaient les tout derniers chiffres. De leur carrière, j'ai pas tourné la page, mais j'ai plutôt fermé le livre. Mélanger les styles et les gens depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent plus à suivre, donc obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens, zoom, zoom, zoom, comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. Comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. pour de l'oseille ou bien des nanas. Jamais on trahira la Honda. Zoom, zoom, zoom, comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. Accueille sa prétendante, il est footballeur et ça discute bien, ça fait déjà 10 bonnes minutes qu'ils sont ensemble, ouais. Je crois que Sylvain va enclencher la deuxième là. Vous allez voir, il est plus lourd que jamais, mais surtout une bande annonce annonçant qu'il est recherché va arriver et souvent c'est du très très lourd. Ce soir, les équipes de crime mènent l'enquête sur les traces du terrible Sylvain Potard. Rien que ça, ça fait flipper et c'est que le début. Allez, on se connecte avec Sylvain dans l'appartement. Ouais, là j'ai eu laisse tomber. Là, blessure de ouf. Blessure de ouf, tu sais, la fameuse, le fameux croisé, là. Le croisé, là. Ouais, le croisé, là. Ouais. Non, tu vois, regarde. Tu vois, là. Ouais, je vois. Hein, je touche même, hein, mais Tu sens pas, là? Tu sens pas les plaques? Ah, il est en short, hein. Ouais. Ah, tu sens rien? Ah, ouais. Non. Ah, je peux te dire que j'ai eu du mal, hein. Je peux te le dire. Ah, ben, j'ai eu bien mal, hein. En tout cas, toi, moi, qui joue au ballon souvent... Ils sont sympas tes petits ballons. Hein. Oh non, c'est horrible. Hein, c'est ce qu'on me dit tout le temps. J'ai envie de jongler d'ailleurs. Enfin, avec le ballon, pas les tiens. Voilà. Quel deux, hein. Tu peux jongler avec les deux. Ah oui, je peux jongler avec les deux, mais oh, moi, je suis pas ambidex. Tu sais, je suis ambidex. Deux pieds blessés. Ouais. Les deux pieds. Ah, mais je joue de la droite. Et en plus, tu sais quoi, j'ai une petite technique. C'est que j'ai une troisième jambe. Moi. Oh non, stop, on se calme. On se calme. Ah, il est chaud. Là, là, là. Carton jaune. Ah, là. Je crois que tu vois, je suis comme ça, Thomas. Hein, tu crois ce que tu vois, toi? Ouais. Ah ouais? Oh non, bah, forcément. Oh, mais où est-ce qu'il nous l'a déniché, celle-là, encore? Elle a regardé sa blessure, hein? Ah non, la blessure, je la montrerai plus tard. Attends. Mais c'est bon, j'ai déjà su. Ouais, mais toi, sinon, t'aimes bien le sport, toi? C'est sportif? J'aime bien, ouais. Ouais. Sport collectif, t'aimes bien le 4-4-2? Mais 4-4-2, ouais, c'est bien. C'est le pressing, quoi. Le pressing, quoi. Bon, alors un 2 dans un 4-4, c'est bien aussi. Ah, oh, ouais, un 2 dans un 4-4, hein, c'est pas mal. Hein. Ouais. Ah, je crois qu'elle a... Et c'est moi qui suis là, ça. Oh non. T'as pas le permis, oublie pas. Ah, alors, ouais. Ah, moi j'aime bien, je suis un presseur, moi, je suis dans le pressing. Ouais. C'est dans le pressing. Ouais, dans c'est un terme. Dans le pressing. Non, c'est un terme footballistique. Footballistique. Tu connais pas? je presse. Pas des oranges. Hein. Non. Ouais, il est lourd. Là, tu penses qu'il a peur de la chauffer? Ouais. Parce qu'elle est déjà. À mon avis, elle est friteuse à 3000. Tu racontes. Tu fais très deuxième, toi. Oh, c'est ce qu'on dit, ouais. Tu fais très brésilienne, Yannick. Ouais, c'est mon côté mi-homme, mi-femme. Ah non, je dirais pas ça, alors. Ah, d'accord. Ouais. C'est monsieur Dan. Ah non, mais j'aime beaucoup. Non. Ramenez Myriam à la maison. Allez. Hein bah, déjà, je t'ai ramené. Hein. Bah oui, je suis venue toute seule. Ouais, franchement. Ah. Et tu jongles un petit peu, toi, enfin. Tu jongles Avec les mains. Parce que moi, je sais pas dire. Moi, j'ai pas eu... Quand tu jongles avec le pied, Non, mais bon, j'ai pas eu le ballon d'or, mais j'ai eu les boules d'or, quoi. Oh non. Un peu de romantisme, allez, Shallow, Lady Gaga, Bradley Cooper, on est là avec vous jusqu'à 23h, mais quelle barre de rire. Ah, je le sens bien, ce leader, ouais. Quand elle va apprendre qu'il est recherché. Bref, c'est un kiff d'être avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. RICO NRJ sur Snap et puis hashtag RicoChaud sur NRJ. Quelle tête elle va faire quand elle va apprendre qu'il est recherché. Are you happy in this modern world? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times. I find myself jusqu'à 23h, on va permettre peut-être, j'espère, à une maman de retrouver sa fille là pour les fêtes de Noël. Histoire poignante, on vous en parle. Et puis là, c'est le Tinder de la peur. C'est un bonheur d'avoir Sylvain qui accueille sa prétendante avec qui il a matché tout le week-end. C'était fort, hein. Énorme, hein, j'adore. Hein, hein, bah ça, hein. Ah, j'ai hâte. Moi, j'adore. Sylvain me fascine, moi, ouais, dans ces moments-là. Hein, c'est vrai. Je te jure. Qu'est-ce qu'il y a ? Le gars agaçant. Tout c'est grave. Hashtag Rico sur Énergie. Vous commentez, vous êtes là en masse et aussi sur le Snap RICO Énergie. On se connecte avec Sylvain. Je crois qu'il lui a fait enfiler le maillot. Oh, ouais. Oui, j'écoutais un petit peu là durant Chalot. Excusez-moi, j'étais un petit peu détourné. Et je crois qu'il lui a fait enfiler la tenue de gala, lui qui est footballeur ce soir. Je vous rappelle qu'elle va apprendre qu'il est recherché. On se connecte. Il est beau ce maillot. Hein, il va bien. Hein, ouais, c'est la bonne taille. C'est tiens, ouais, c'est parfait. Ouais, c'est mon maillot fétiche, ça. Fétiche, ouais. Tu sais quoi, ça? C'est quoi? France 98, Zidane a marqué avec. Ah bon, je peux dire que j'ai eu mes premières sueurs là-dedans. Oh, ah, ouais. Depuis, tu l'as pas lavé? Pourquoi, ça sent? Ça sent un petit peu beaucoup quand même. Oh ça sent Zizou en 98. Ah ben, ça sent le Zizou, hein. Ça a 20 ans quand même. Après, je dis ça, je dis rien, mais bon, quand même. Ah non, mais non, mais c'est vrai que j'ai jamais lavé parce que je suis dit, mes premières sueurs, quand j'étais professionnel. Si tu l'aurais dit avant, j'irais regarder mon soutif en dessous, quoi. Ah non, j'aime bien, là. Je vois que. Après, sur ma peau. Il fait froid là dehors un peu, non? Ouais, il fait froid un peu. Ouais, je vois. Non, mais ça va très bien. Elle est hot. Oh non, c'est très sympa. Ouais. Eh, d'ailleurs, tiens, toi qui es brésilienne. Ouais. Brésilien ou brésilienne? Oh non! Ah ouais! Comme ça t'arrange? Vas-y, comment tu passes? Aïe! Alors, vas-y. Ouais, jeu de jambes. Ah, il joue au foot. Il y a un ballon. Ouais, ah ouais, y a un ballon. Tu aimes. J'ai mis tout. Si elle joue pas longtemps, c'est que c'est blasé. Pas mal. C'est vrai. Mais non, mais tu taquines un petit peu le ballon, toi. Ouais, ouais, j'aime bien, ouais. Hein, je préfère les footballeurs quand même, mais bon. C'est vrai. Faut que tu m'aimes, bah oui. Je préfère qui comme footballeur, moi. Ouais, toi. Bah déjà, je te dis de voir, hein, parce que ouais. Tu m'as dit que t'étais footballeur, mais. Bah ouais, je t'ai dit que t'étais footballeur. Ça peut faire deux jours. Ah ouais. Ah quoi? En 88. C'est dire quoi? T'es footballeur en 88, elle lui a dit. Bah oui, quand même. Oh, non, mais j'ai pris la retraite hein, depuis, forcément. Ouais, hein, ouais. Donc, tu t'étais connu, bah moi, j'étais pas là, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai que t'es très jeune, toi. Ouais. Oh, non. Le bâtard, il se fout de ta gueule. C'est vrai que t'es très jeune. À cette époque-là, moi, j'aimais pas le synthétique, tu vois. Le synthétique. Enfin, le gazon, tu vois, le gazon mondi. Oh non. D'ailleurs, moi, je suis. Je suis plus le gazon naturel, tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi je trouve ça. C'est quoi, t'es gazon naturel ou le gazon synthétique? Non, écoute, on va dire, j'ai tout coupé. Ah, t'as tout coupé? Ah non, arrête. Ah bah, non, t'as pas le jardinier dans le stade, demande. J'aime pas les toits. Il faut prendre un râteau. Ah ouais. J'aime pas le gazon. T'aimes pas le gazon? Attends, mais moi, je suis footballeur, je peux pas jouer sur des synthétiques, hein, c'est impossible. S'il y a pelouse, il y a match. Au lit ou comme sur le terrain, moi. Faut qu'il y ait du gazon, hein. Ah ben franchement. Moi j'aime bien partir en chassé là, hein. En chassé, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? C'était confortable. C'est vrai? Eh ben oui. C'est vrai, c'était confortable. Bah, oui. Sinon j'ai des crampons, hein, moulés, hein, si tu veux. Ah bon? Il est. Non. Il est bien chaussé. Quelle barre de rire, les amis, on va l'annoncer, rechercher là tout de suite. Les love bitches, quelle barre de rire cette émission. Do you mean I've gotta wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Later, bitches. Bitches.

something human, piéger une inconnue qui pense le rencontrer chez lui pour trouver l'amour. En réalité, elle découvrira que lors de son rendez-vous amoureux, que le prince charmant n'est pas celui qu'elle croit. Comment ? Par la télévision, qui lui diffusera une bande-annonce pour l'annoncer recherché. Le Tinder de la peur, c'est maintenant. Eh oui, derrière on tentera eh bien, de renouer les liens entre une fille et sa maman. Ça va être magnifique les amis, vous êtes bien sur Énergie. C'est votre émission 0870 42 48. On se connecte avec Sylvain. Ça fait maintenant un bon quart d'heure qu'on est connecté avec lui. Et sa prétendante, c'est vrai que c'est des barres hein. C'est des barres, puisque ça discute, ça se chauffe de tous les côtés. Ils étaient quasiment en train de câliner ouais. Hein, joli, il a dû s'éclipser, m'a-t-on dit. On se connecte avec Sylvain. Sylvain. Ouais, Rico. Ça va mon poulet? Ah, je suis dans la salle de bain, c'est tombé. Ouais. Je peux dire que le gazon, il est chouillant. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est tombé. Ah ouais. Donc là. Mais c'est quoi ces canins, ces bisous là? Qu'est-ce qui s'est passé là avant la Ah bah elle embrasse, hein, elle embrasse fort. Hein. Je te dis. Ah ouais, c'est la ventouse. Elle ah ouais, ouais, d'accord. Salade de langue, elle aime bien. Ah ouais, d'accord. Oh là là, merci Harry Potter. Très bien. Je suis dans la salle de bain. Il va falloir lui mettre les clips là. C'est-à-dire que Sylvain va diffuser là tout de suite. Lui propose de mettre la télé et nous on enclenche une bande annonce. Bouge pas, attends, je te mets les clips, tiens. J'arrive. Hein. Voici ce qu'elle entend même au moment. Ce soir, les équipes de crime mènent l'enquête sur les traces du terrible Sylvain Potard. Il aurait été aperçu par plusieurs témoins dans le 16e arrondissement de Paris. Nous ferons un point sur cette enquête hors norme et sordide. C'est ignoble, hein, c'est de la barbarie. Il y a eu un acharnement comme ça sur lui, et dans quelle situation il a pu se mettre pour en arriver là, quoi. Malgré tous les crimes qu'il a commis, Sylvain Potard reste aujourd'hui introuvable, un véritable fantôme. Alors quand frappera-t-il de nouveau? Si au cours de l'émission, vous le reconnaissez, n'intervenez surtout pas vous-même. Appelez le numéro vert mis en place spécialement 0800 70 42 48, car cet homme est extrêmement dangereux. Il va surprendre les enquêteurs, c'est la sauvagerie. Crime, la traque du terrible Sylvain Potard, c'est ce soir sur Énergie 12. Eh oui les amis, ça y est, elle est au jus, elle est au jus qu'il est recherché, on se connecte avec Sylvain. Attends, j'entends pas un bruit. Ok, fais semblant, ouais, fais comme si. Bon, t'as fini, faut que je rentre. Change d'ambiance. Faut que je rentre, en fait, je peux y aller. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je vais y aller, je préfère y aller. Pourquoi tu préfères y aller? Ouais, j'ai un imprévu, je vais y aller. Bah, attends, comment ça? Je me vais chauffer un petit peu là. Ouais, mais. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas envie de jouer au ballon avec moi? Non, j'ai pas envie. Carton. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai pas envie parce que. Elle a pas l'air craintive. Je viens de voir un truc bizarre sur toi là. Hein? Comment tu t'appelles, t'es qui? Comment ça, comment je m'appelle? Bah, t'es qui? Bah, je sais pas, tu t'appelles comment? Ouais, bah écoute, Sylvain, tu vas me laisser partir. Pourquoi? Bah, parce que je veux partir. Ah non, tu restes avec moi? Non, je veux partir. Tu vas pas me forcer à rester, de toute façon. Le foot, ça joue en équipe, non? Ouais, mais bon, des fois, hein. J'ai pas joué solo, quand même. Ouais, bah écoute, je préfère y aller. Non, reste ça. Je reste pas. Bah, tu bouges pas, de toute façon. De toute façon, si tu m'empêches de partir, je te tase. Comment ça, tu me tases? Ah, je te tase. C'est quoi ça? Oh putain! Oh! Jimmy! Sylvain! Non, vas-y là, qu'est-ce qui se passe? Vas-y là! Oh putain, mais c'est quoi, Sylvain? Jimmy! Quoi? Oh non! Attends, vas-y! Sylvain, y'a quoi? Oh! Jimmy!

Écoute, il va bien, il arrive, il m'a dit j'arrive, c'est l'embrouille totale, okay. c'est la fiesta, hein. C'est le Tinder de la peur en même temps. La nana va bien, mais il a eu la peur de sa vie. Il a vu le jus, un taser, en fait, c'est un truc électrique, vous appuyez dessus, ça peut vous mettre une châtaigne. Hein. Oh ça vous met une châtaigne, ça vous calme. Elle bossait chez EDF ou quoi? Normalement, t'as pas le droit d'avoir ça, je crois. Je sais pas. On lui dit, est-ce qu'elle est policière? Ouais. Sylvain va nous dire tout ça, les amis. Il arrive dans 3 minutes, nous débriefer ça. Il va y avoir Yac l'amour qui compte, on va tenter de réunir une maman et sa fille pour les fêtes de Noël. Mais là, c'est les urgences du Rico Show. Ouais. Il y a eu de la déconnade ce week-end, on en parle. Ça va Arnaud? Ça va et toi? Écoute, vous Écoute, ça va, on est en pleine forme. Merci d'avoir fait le 0870 42 48. Qu'est-ce qui t'est arrivé Arnaud? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Bah écoute, ce week-end, je crois que j'ai fait une connerie, c'est de coucher, en fait, juste pour coucher avec une grande folle. Oh là là. Ah ouais, une grande derrière. Ouais ouais, non mais avec une folle, une nana. Ah hein, oui. Il hein, y a pas de. Oui oui, t'inquiète pas. Autant pour moi. On parle pas de ton meilleur ami. De ton ami à toi, Benoît. Non, Benoît n'est pas une grande folle. C'est une folle. Petite Benoît du Mad Mag, évidemment. Hein, je vous le dis. Ok Arnaud, bouge pas, on va t'aider. Il y a aussi Léonie qui a besoin de nous. Ça va Léonie? Salut. Salut ma chérie. Qu'est-ce qui se passe Léonie? Eh ben écoute, moi franchement, j'ai absolument pas envie de vieillir. Je crois que je me suis jamais sentie aussi jeune que maintenant. Ah, c'est vrai. Parce que j'ai 46 ans. Ah bah oui. J'ai pas du tout envie de vieillir. Genre là, c'est Noël. Alors je m'occupe de tous les cadeaux, mais pire qu'une gamine. Ah, je ouais. pense absolument pas à ce qu'on va me faire. Je suis toute folle. Enfin vraiment, j'ai pas envie de vieillir quoi. Ah bah écoute Léonie, on va en parler puisqu'on a une personne qui vit ce mal-être aussi. Non, je rigole. C'est positif de ne pas avoir envie de vieillir. Il est là, Sylvain, ça va mon petit Sylvain? Oula, il est blanc. Attends, laisse tomber. Qu'est-ce qu'il y a? T'es un ouf toi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai failli me faire taser de ouf. T'as mais pas entendu ou quoi? Non mais j'ai entendu, mais on dirait un truc pour les moustiques. Bah ouais, mais non, c'est pas un truc pour les moustiques, c'est je peux te dire. C'est vraiment un vrai truc. On dirait une raquette quand il y a un moustique qui s'y coince, là, qui grille. En fait, moi tu sais, je voyais pas, elle avait la main dans le dos, tu vois. D'accord. Et en fait, elle me dit, laisse-moi partir. Ouais. Et je dis, non, je te laisserai pas partir, t'as vu que je disais. Ouais, on va. Et à un moment donné, elle a sorti le taser. D'accord. Et elle a voulu me taser. C'est pas vrai. Tu sais, j'ai trébuché en fait sur le matelas et tout. Ouais. Et je suis parti, c'est pour ça que tu m'entendais plus. Ah d'accord. Elle voulait vraiment me taser. Ah ouais, t'avais peur, t'as reculé. Bah ouais, j'étais en train de crier, Rico, dis-lui. Ouais, mais elle aussi, qu'elle comprenne. Bah ouais, moi je faisais, t'imagines. Ouais, et c'est l'embrouille là. Je sais que c'est... Ouais, là, bah, elle s'est barrée et tout. Ah ouais, c'est je crois qu'elle a vraiment voulu me taser. Ah ouais, c'était chaud cette histoire. Ah, j'appelle, non, c'était chaud. On va essayer de l'appeler. On va essayer de l'appeler pour que ça se calme. D'accord, ça va, t'as l'air blanc. Bah, je sais pas, t'as déjà pris un coup de taser ou pas? Ah bah écoute, non, jamais. J'ai vu taser. Par contre, les amis, c'est pas pareil. Mais non, c'est chaud. Les amis, il y a Arnaud, justement, Sylvain qui est encore gaffé. Il a couché avec une nana. Et cette nana, c'est une grosse folle aujourd'hui. Franchement, elle est sur ses côtes tout le temps. Ça, t'as vécu? Bah, il vient de le vécu. Là. Il est encore choqué, le monsieur. Ouais. Non, mais par contre, tu sais, Arnaud, il y a des signaux sur les personnalités, tu vois. Ah, oui. Non, mais c'est vrai, déjà, il y a des personnes à qui il faut pas toucher parce qu'après, c'est les embrouilles. Ouais. Voilà. Attends, tu sais avec quoi elle est venue au rendez-vous? Non. Avec un bouquin sur comment ne pas se faire manipuler par un pervers narcissique. Ah ouais, c'est normal. Attends, elle se protège. Non mais c'est vrai. Après, il faut faire attention. Tu vois, il y a des personnalités comme ça. Mais bien sûr, bah vous, c'est valable pour vous les mecs. Moi, par exemple, un mec genre un peu comme Sylvain qui se regarde le nombril, narcissique, etc. Ouais. Je sais qu'il faut pas coucher avec parce que le gars va se regarder dans le miroir, malade. Quoi. Ouais, le mec qui t'a demandé aussi 7 fois ton blaze et 7 fois si tu voulais boire un verre, tu sais que lui c'est rideau. Hein, et d'ailleurs, il a fait un tour dans la boîte, il est parti voir plusieurs nanas et puis il revient. La case départ parce qu'il n'y en a aucune qui a mordu, tu vois. Ça, tu sais que ce gars-là, faut l'éviter. C'est direct, j'aime. Bah ouais, aussi ces filles, tu sais, qui font comme si elles likaient toutes tes photos, elles commentaient et tout, alors qu'elles savent que t'es en couple et tout, tu vois, c'est chaud. Franchement, faut faire gaffe. Ouais, faut faire gaffe parce que c'est des dangers parce que ça sent les emmerdes. Il y a des trucs comme ça qui on se dit non, faut pas le faire. Non, mais c'est vrai, le mec qui te fait des clins d'œil aussi, tu sais, toute la soirée, il te fait des clins d'œil, les nanas, tu sais, un peu direct. Bah, tu sais qu'elle le fait à tout le monde et qu'à mon avis, une fois que tu auras chopé, elle va pas le. Ouais. Il a peut-être d'éthique, hein, le mec. Merci Sylvain de parler pour toi. C'est gentil. D'ailleurs, il y a aussi Sylvain, le mec trop cool, tu sais, hein, qui reste jeune dans sa tête, même s'il a 50 ans. Une soirée où les types ont 25 ans. Ouais, je suis jeune. Ouais. C'est exactement la personne là. Ouais. Bah ouais, je suis jeune, bah quoi. À éviter, à proscrire. Au mieux, ça finit en Tinder de la peur. Allez, les amis, on se met panique à deux disques. Je kiffe ce son. Oh là là. Et puis, on fait un point évidemment sur le Tinder. Je vous mets la photo. Something great. Go make a legacy, man. mama said, don't give up, it's a little complicated. All tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. Had to have high, high hopes for a living. Shooting for the stars, but I couldn't make a killing. Didn't have a time, but I always had a vision. Always had high, high hopes. Had to have high, high hopes for a living. Didn't know how, but I always had a feeling. I was gonna be that one in a million. Always had high, high hopes. Mama said, photo du taser est sur Snapchat, hein. RICO Energy, allez me voir ça, c'était complètement ouf, c'était dans le Tinder de la peur. Les urgences, on a Arnaud qui couche chaque fois avec la mauvaise personne, derrière il a des soucis puisque c'est une folle ou un fou, il faut les éviter. Ah là là. Tu vois moi Arnaud, par exemple là, le voisin qui vient de saouler, qui tape à la porte en caleçon, ou la voisine un peu folle qui te demande de pas faire de bruit, le soir où elle a bu un petit verre et qu'elle veut se faire réchauffer, surtout pas. Déjà qu'elle te saoule dès que t'as allumé la chaîne Wi-Fi, Arnaud, faut pas y aller mon poulet. Évidemment, éviter les voisins et les voisines, parce qu'après dès que t'as une vraie meuf, eh ben voilà, elle va revenir à la charge et tout, elle va venir, elle va t'envoyer des messages et tout ça. Donc il faut surtout éviter les voisins, bah les voisines. Oui, les folles. Ouais. Bah oui. Ou les potes de ton frère. Moi c'est vrai qu'il y avait le pote de mon grand frère qui me plaisait beaucoup. Il m'a fait du chantage après. C'est pas vrai. Ouais, ah ouais. Ouais. Il t'a dit quoi? Bah il m'a dit, si on se revoit pas pour boire des verres, etc., sortir ensemble, bah je dis à ton frère ce que t'as fait. Non. Ouais, je te jure, il m'a fait du chantage. Les problèmes de famille. Ah ouais, vraiment. Faut éviter. Ah ouais, c'était horrible, horrible. Ah ouais, non mais ça c'est la galère totale, hein, comme se faire escroquer par ton père. On en parlera tout à l'heure. Arnaud, mon petit poulet, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi votre relation là, chelou, raconte. Alors, donc comme je disais, elle est venue au premier rendez-vous avec ce fameux bouquin. Et du coup, je lui ai demandé pourquoi elle m'a donné ce bouquin. Et elle m'a dit simplement, en fait, pour, me détacher de mon ex. Ah ouais, d'accord. Et ah ouais. Je lui ai dit, mais pourquoi tu m'offres ça? Donc elle me dit, c'est pour me détacher de mon ex. Qu'est-ce qui te fait dire que je suis encore attaché à mon ex? Parce que pourquoi elle me dit ça? Non. Elle me dit, c'est parce qu'en fait, j'ai pas osé lui dire je t'aime. Alors que c'est la première fois qu'on se voyait, quoi. Oh là là, ah ouais. Non, elle a ça. Voulu lire. Moi, je les connais. Les rendez-vous qui se transforment en rendez-vous psychologiques, il faut s'en méfier, surtout autour d'un verre de vin. Mais évidemment, à quel moment, au premier rendez-vous, tu parles de ton ex? Mais quelle erreur, poteau! Tu finis même pas le café. Non, mais c'est elle qui lui a dit mais ça, oui, justement. Non, mais tu finis pas le café, il faut pas. Tu finis pas le café, tu pars. Ouais. Tu dis, tu repenses encore à ton ex. Ouais. Eh ben, tiens, il prend son numéro, écris-lui un message et tu te casses. Mais des fois, t'as faim. Mais c'est pas grave. Quand t'as pas bouffé depuis un mois, des fois, tu dis, Non mais Sylvain, mais ça vaut pour les deux, hein. Sylvain, t'as dû te détendre un petit peu. Ah ben moi j'y vais, je m'en fous de l'ex ou pas de l'ex. Ouais, ouais. Tu sais pas que ça va peut-être pas durer d'ailleurs. Ouais. Mais il pense encore lors de son premier date avec toi, c'est pas possible. Ouais ouais, c'est compliqué. Et les nanas font un transfert. Moi je sais que les nanas le lendemain de rupture, elles sont très très susceptibles. Et si je te crois JM, je pourrais facilement te dire je t'aime et faire un transfert sur toi. Calme-toi, Sarah, calme-toi. C'est pas vrai. Non, mais c'est vrai qu'en plus JM de deux ressemble à ton mec. Tu pourrais faire transfert et ça ferait du bien à tout le monde. Fais-le sur ton mec déjà. Oui, je te le dis. Arnaud, faut arrêter. Il y a des petites choses comme ça, des basiques. Là, direct, elle te sort le livre et toi derrière, tu fais l'amour. Mais attends, oh, là, la nana, tu fais sonner ton téléphone et tu te barres. Ah oui, si elle te sort le Kama Sutra, par contre, là, tu peux vraiment te barrer. Là, tu bookies. Non, tu sais quoi, la grosse connerie, la grosse erreur, c'est que j'ai invité chez moi, forcément, au premier rendez-vous, alors qu'il fallait pas. Voilà. Ouais. Mais ça faisait quoi, 10 jours qu'on discutait par internet, tu vois. Et voilà. Et quand, du coup, bah, je lui ai fait comprendre que ça n'allait pas être possible. Elle est partie de chez moi et du coup je lui dis, mais tu fais quoi, tu reprends le train pour rentrer chez toi ou pas? Oh, et elle m'a dit oui, mais t'es 1h du matin. Je lui fais, mais tu vas faire comment? Ah, oh, mais t'inquiète, je vais gérer et tout. Oh, et bah, tu sais quoi, J'ai entendu pleurer à l'extérieur du bâtiment. C'était elle qui était dehors en train de pleurer en bas de chez moi. Non, mais moi, je me suis tapé la fiche, quoi. Tu vois, je fais. Écoute, ouais, mais c'est toi qui as fait du mal à cette femme. Cette femme, elle est en détresse et toi, t'as allumé la fumigène. Et ça, c'est pas possible. T'es un connard, Arnaud. Le gars qui est fou. Non, Arnaud, je rigole. Tu as le droit, mais fais attention à toi. D'accord, moi, Arnaud? Ouais, bon, tu nous tiens au jus, on te fait plein de bisous. La prochaine fois, je dis, vas-y, écoute, énergie, je parlerai de toi, tu parleras pas. Voilà, exactement. Regarde où est-ce qu'on en est, on est dans le beau drap. Bon week-end, hein, super. Bisous, Arnaud, on t'aime, plein de bisous, mon frérot. Il y a Léonie aussi qui a besoin de nous, les amis. Léonie, elle ne veut pas vieillir, elle se sent jeune. Ah. Mais est-ce que t'es vraiment jeune, Léonie, dans ta tête? C'est ça la question. Ouais, je crois que je suis vraiment jeune dans ma tête, ouais, j'ai pas du tout envie de vieillir. C'est cool, Est-ce que tu sors encore le mardi soir ou tu dis non, je suis naze pour sortir le mardi soir? Tiens, non, petit test. Ça aurait été pipine et tout, c'est cool, on se fait encore des soirées de filles et tout. Et d'accord. Non. Est-ce que t'es du genre à dire à ta nièce, putain, t'as 20 ans, profite? Ouais. T'es du genre à lui dire ça? Ah bah oui. Ça veut dire que t'as peut-être déjà basculé, Léonie. T'as peut-être déjà fait la bascule. Est-ce que des fois tu dis, non, je recherche plus une relation stable comme toi, c'est fini tout ça, c'est fini le butinage? Est-ce que tu dis ça? Pas franchement, tu le dis pas? Non. Ou tu butines tout le temps, alors je sais pas. Ah ouais, tu butines. Oui. On l'appelle Léonie Laguette. J'ai pas du tout envie de me poser. Je me sens jeune dans ma tête et je veux pas me poser. Est-ce que tu dis des fois samedi je vais chez Ikea, mais après l'apéro pourquoi pas? Est-ce que ça t'arrive? Why not? Tu privilégies Ikea à l'apéro? Ah non. D'accord. Ah, bon. Tu peux faire l'apéro à Ikea aussi. Ouais, hein. Sur la table. Tu peux te faire un Ikea. Ouais. Ça peut être pas mal. Non, mais c'est. Ouais. Est-ce que des fois tu dis ce petit con m'a appelé madame? Ah ouais. Oui, ça peut m'arriver. Oui. Ouais, ça peut t'arriver. Et ça, c'est signe qu'on a basculé. Ah, c'est chaud. Ça. Ça, c'est signe qu'on vieillit, mais on n'est pas. Tu vois, moi, quand on vous voit, je dis tu me tutoies direct. Oh là là. Tu le prends mal quand t'as pas envie de vieillir, t'as pas envie qu'on te dise où, t'as pas envie qu'on te dise madame. C'est vrai. Alors que Sylvain, il pense que ça fait la cour, tu sais, quand il vous voit. Alors, madame. Non, mais ce qui est dur, c'est quand par exemple, le petit dit vous voulez ma place? Ouais. Tu sais, genre un peu fatigué, il tient sa place. Oh là là, ouais, non, c'est dur. Dans le métro. Non. Ah ouais, je te jure, le petit me dit vous voulez que je vous laisse ma place? Je dis bah non, ça va, je suis en forme. Ouais. Non, mais je vous sens un peu fatigué. Oh non. Et le mec, il m'a laissé dans le métro. C'est pas vrai. Ah ouais. Oh, c'est l'horreur. Ça, c'est dur. C'est horrible. Et moi, la semaine dernière, je vais à Sephora pour me faire plaisir, pour m'acheter une crème hydratante, c'est tout. Ouais. La nana, je dis je recherche une crème. Elle m'envoie pas dans les crèmes de plus de 40 ans. C'est pas vrai. Je te jure. Ah ouais, en plus, toi, tu dis tu n'assumes pas parce que tu dis c'est pas un ride, c'est un pli. Oui. Et ça veut dire que t'es pas bien. Ah, et puis d'ailleurs, Sarah, t'as de la chance que Sylvain, quand il va chez Sephora, il y a toutes les vendeuses qui essayent de l'asperger dans le dos. Parce que je veux te dire qu'il sent le renard. De toute façon, Sarah, au Franprix, tu te fais griller, toi. Avec tes fûts urinaires, les couches qu'elle a à chaque fois. Ah oui, et quand alors ça passe, bah c'est grillé. Ouais. C'est à quel âge que tu mets des couches urinaires? Ah oui, d'accord. Ah ouais. Oh là là, putain. Ouh là là, il s'est bien fait taser. Il essaye de le dissimuler, mais à mon avis, il a le cerveau qui est frit. Tiens. D'ailleurs, allez sur Snapchat, RICO Energy, pour nous dire ça. Écoute, Léonie, t'as passé le test. Je pense que t'es jeune, fier de l'être, et que ça te va bien. Et te mets pas de stress, reste jeune. C'est vrai. Ça marche, merci. Prends pas la tête, on va te faire un petit cadeau, ma Léonie. Plein de bisous. Merci d'être passé, Léonie. Bonsoir, madame. Au revoir, madame. Le truc qui déprime. On t'embrasse, Léonie. Plein de bisous, on va te faire un cadeau. Les amis, on va tenter de réconcilier une maman et sa fille. Histoire complètement ouf. Franchement, on en a les frissons. Oh, les chatouilles. On y va? C'est poignant. On y va? Allez, je vous en parle. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Tant qu'on est dans les cadeaux de Noël, j'ai les astuces d'après une étude pour bien réagir si on vous offre un cadeau tout pourri. Ça peut aider. Sourire quoi qu'il arrive. Ouais. Oui, sinon ça se voit. Ensuite, il faut garder un contact avec les yeux de celui qui offre pour paraître sincère dans le merci. D'accord. Ah ouais, c'est dur. Et enfin, si on ne sait pas quoi dire, il faut faire la technique du merci câlin. C'est-à-dire que vous arrivez vers la personne, vous savez pas quoi dire, et vous la serrez dans vos bras comme ça. Ah ouais, oh merci. Mon conseil, n'ayez pas un couteau dans la main. Manu dans le 6-9. Manu. 6h, 9h30 sur Énergie. Le monde a sombré dans le chaos. De gigantesques villes nomades arpentent la Terre en quête de proie. Cité prédatrice en approche! Peter Jackson présente Mortal Engines. Pour stopper cette mécanique mortelle, seule une jeune rebelle peut sauver le monde. Je savais que tu me lâcherais pas. Par les créateurs du Seigneur des Anneaux, Mortal Engines, actuellement au cinéma, avec Énergie. Énergie is music only. Avec Kenji Girac en concert. C'est Kenji sur Énergie. Kenji Girac est de retour partout en France pour sa tournée événement Amigo Tour. Et le 30 novembre 2019 à l'Accor Hôtel Arena.

Franchement, ça va être magnifique. J'en ai pleuré, moi. Vraiment, c'est une histoire. On l'a jamais eue. C'est une histoire incroyable. Vous allez voir. Bah, écoute, on accueille la maman qui est avec nous et qui a besoin de tout le monde, de toute l'équipe du Rico Show. Allez. Et vraiment de vous tous à la maison. Bonsoir, Marianne. Ça va, Marianne? Bonsoir Rico, ça va et vous, merci. Écoute, ça va. Je sais que Marianne, c'est un petit peu compliqué à l'approche des fêtes. Histoire complètement folle, histoire familiale qui peut arriver vraiment à tout le monde. Ouais. Vraiment à tout le monde du jour au lendemain et qui vous est peut-être déjà arrivé. Marianne, raconte-nous ce qui se passe aujourd'hui avec ta fille. Ben, en fait, il y a un an, j'ai divorcé de mon mari, avec qui j'ai eu deux magnifiques enfants. Et je l'ai quitté parce que j'ai rencontré quelqu'un. Ouais. Et donc, au bout de deux mois, comme tout allait bien, je me suis décidée à présenter les enfants. Ouais. Le souci, c'est que ça n'a pas collé du tout. Ah. Et au début, je me suis dit, ben, c'est parce que c'est le début, ils n'acceptent pas encore la séparation, ou ils n'acceptent pas que je refasse ma vie. Donc, je me suis dit, ça va aller. Mais ça a été de pire en pire, et ils ont fini par demander de plus me voir. Ah ouais, quand même. Là. C'est chaud. C'est chaud. Et. Pardon. Non, t'inquiète. Ça va aller. Je sais pas où j'en suis, pardon. Ouais, et donc, non, du coup, mon compagnon m'a dit, écoute, on va mettre un peu de distance pour calmer le jeu. Et comme je suis mutée sur Paris, il dit, viens avec moi. Ouais. Donc, je suis partie avec lui. Et quelques mois après être arrivée sur Paris, j'ai eu un accident de voiture. Où je suis restée en coma pendant deux semaines. Et quand je me suis réveillée, je n'avais personne près de moi. D'accord. Et pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas passer l'éponge sur l'histoire. Il t'en voulait encore au point de ne pas te rendre visite. En fait, j'avais demandé à mon compagnon s'il avait prévenu les enfants. Et il m'avait dit oui, je les ai prévenus, mais voilà quoi. Ils n'ont pas essayé de t'appeler parce que j'ai regardé mon portable. Sur mon portable, j'avais rien. Ouais. J'avais pas d'appel, j'avais pas de message. Et donc, au bout de deux jours où je suis sortie de l'hôpital, ma fille m'a appelé. Ah, quand même. Mais j'étais tellement mal et tellement vexée. J'ai été blessée dans mon amour propre, j'ai pas répondu. D'accord. Parce que je me suis dit, voilà quoi, j'ai demandé ce qu'il avait dit aux enfants pour qu'ils m'appellent pas. Il m'a dit, je les ai appelés, tu vois. Ah ouais, comme quoi, c'est eux en fait qui donnaient pas signe de vie alors que justement lui les avait contactés pour dire que leur maman avait un souci. Ouais. Et mis à part ce repas où t'as fait les rencontres qui s'est mal passé, trouvais ça un peu stupide d'en arriver à corrompre les ponts alors même qu'elle était sur son lit d'hôpital. Imagine. D'accord. Bah oui, parce que j'ai demandé s'il avait demandé de mes nouvelles pendant mon coma. Il m'a dit non, je les ai prévenus dès le début. Mais ils n'ont pas demandé de nouvelles. Mmh. Donc c'est pour ça, comme je vous dis, j'étais blessée dans mon amour propre et j'ai pas quand elle m'a appelé, j'ai pas voulu répondre. Ouais, alors qu'en réalité, il se passait quelque chose de complètement fou. Raconte-nous, Marianne, ce qui se passait. Alors qu'en réalité. Bah en fait, j'ai su que mes enfants en fait ont essayé de m'appeler. Ouais. Mais que mon compagnon avait simplement dit à mes enfants que c'était qu'un petit accrochage de rien du tout et qu'il n'y avait rien de grave. Ouais. Ah. Et donc du coup, suite à ça, j'essaye de. Je sais pas, j'ai envie de recontacter ma fille, mais j'ai peur qu'elle me rejette. Ouais. J'ai envie de lui dire que maintenant j'ai ouvert les yeux parce qu'il disait n'importe quoi. Est-ce que mes enfants me disaient apparemment c'était la vérité, qu'il était manipulateur, qu'il me retournait la cervelle et qu'il faisait tout pour me séparer de mes enfants. Putain, c'est ouf. Et je me rends compte que c'était vrai. Comprends. Et là, j'aimerais renouer avec ma fille parce que j'aimerais qu'on passe les fêtes ensemble, qu'on passe un bon moment et que. Oh, je sais pas, moi, mais Marianne, ça va le faire. On est là pour toi, Marianne d'amour. C'est vrai que c'est fort. Dur. On a envie de l'aider, cette maman. On a envie de la transporter, l'aider du. Tu vois? Non, mais elle est tombée sur un pervers narcissique, on appelle ça. Et en fait, voilà, elle l'a mis plus bas que terre. Elle, la pauvre, elle se retrouve sans ses enfants, sans rien. Donc, mais c'est pas de sa faute. On va l'aider. On va t'aider, Marianne, ma chérie. Merci. On va t'aider, ma chérie. On va t'aider. T'inquiète pas. Allez, on va essayer de l'aider. Ok, les amis. C'est vrai, le beau-père qui arrive, qui fout le bordel. Pas bien. Comme ça, c'est chaud. Aujourd'hui, il est plus là. Et elle a envie de passer les Noëls en famille. Rico Show. 20h-23h. Vous allez délirer toute l'année avec Aymeric Bonnery sur Énergie. Eh oui les amis, c'est vrai qu'on est là du lundi au vendredi et qu'on va tenter eh bien, de permettre à Marianne de retrouver sa fille pour Noël et les fêtes. Il y a Hello qui dit aidez-la, hashtag Rico Show sur Énergie, ça m'a grave touché, dit Amélie. Et puis sur Snap, vous êtes énormément à demander vraiment qu'on puisse aider Marianne. On va le faire tous ensemble. Je vous rappelle que si vous nous rejoignez, Marianne, eh bien, elle était avec une nouvelle personne, voilà, un nouveau mec, et justement elle a présenté ses enfants, ça n'a pas matché. Et puis derrière elle a fait un accident de voiture et lui il en a profité pour dire qu'il avait averti ses enfants et qu'en gros ses enfants s'en foutaient. Alors que c'était pas du tout le cas, les enfants n'étaient pas avertis, et comme ils avaient rompu un peu les liens suite à une dispute, c'était un petit peu tendu, il en a profité pour séparer toute la famille. C'est aujourd'hui ça. Elle est plus avec le beau-père, ça fait plus de 11 mois qu'ils se sont pas vus, et elle a envie de fêter Noël avec toute la famille. C'est normal. D'autant qu'elle a eu justement cette blessure là et ce petit coma. Il faut lui faire ce cadeau, Rico. Hein. On va essayer de le faire tous ensemble. Si vous avez vécu la même situation, que vous voulez aider Marianne, n'hésitez pas. 0800 70 42 48 sur Snap RICO NRJ. Ok, les amis, on va l'aider. Je vais appeler sa fille dans 5 minutes, le temps d'avoir vos témoignages. Ok. On parlera aussi du porno là qui s'étend de partout. Et vous, mesdames, vous êtes aux premières loges. Hein. C'est vrai, ça y va. Ça, non, je suis étonné. 30% des femmes consomment du porno en France. Et voilà, régulièrement. Ouais. Autant que les hommes. 30% des femmes. Énorme. Le consomment autant que les hommes. Je pensais pas. Hein. Je vais vous dire ce qu'elles regardent le plus. Quelle catégorie. Arrête. Pourquoi. Comment. Je sais tout, les c'est gars. Bon, ça. On sait enfin ce que font les femmes sur le porno. Ah. Hein. Elles qui nous connaissaient à peine le quoi. Mais n'importe quoi, on n'a jamais dit ça. Ouais, ça s'y file. On va y parler. On va en parler, les amis. On va se faire un petit canular de la nuit. On va se faire un petit casting pour détendre avant d'aider Marianne et d'avoir vos témoignages. Sarah. Alors, il y en a un qu'on va pas aider, c'est Steve, le pauvre. D'accord. Je l'ai vu cet après-midi en ligne. Il rêve d'intégrer la Rico Factory et de te rencontrer Brian, le plus grand producteur de Broadway. Yeah. Et en fait, le gars, c'est un chanteur, enfin, c'est ce qu'il croit. Il m'a chanté un petit extrait de Dadju. J'ai pleuré. D'accord. J'ai de rire. D'accord, on est sur du Dadju, les gars. Ouais. Hein. Dadju, d'accord, on va essayer de voir si on. Voilà, on si peut tu faire le recrutes. Du... Ouais, voilà. Jaloux de Dadju. Avec un corps impoli. Ok, on y va, les amis. Allez, on l'appelle. Ouais, c'est parti, je l'appelle. C'est le casting. Arrêtez tout. Écoutez. Tout le monde est en danger. C'est le canuit. Le canular de la nuit sur Énergie. Yeah, Brian is here. Are you ready? Of course. Hello. Comment ça va, Steve? Ça va super bien. On y va. C'est parti. Tu me montres ce que t'as dans la voix. C'est parti. Tu chantes. Let's go. Je sais pas à quoi tu t'attendais. Avec moi, y'a pas d'histoire de c'est juste un ami. Oh, à qui tu veux faire avaler? Dadju vient de décéder. Ok. Okay. On continue. Est-ce que tu peux me faire un petit chant de Noël? Père Noël, tu descends du ciel avec Ok, c'est un peu dégueulasse, je vois le Père Noël tout nu dans ma tête. J'ai jamais vu une chanson de Noël aussi érotique. Hein. Ah là, il y a les boules, il y a la guirlande. Hein. Là, je l'ai senti. Hein. C'est bien ça. Oh Père Noël, alors... Père Noël, t'as envie de lui bouffer la barbe, hein, ça se sent, ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a, champion, dis-moi. Je préfère les graves aux aigus. Oh, je préfère quand tu jetais. Ok, on y va. C'est parti. Tu me fais une petite. Attends. Refais la merde que tu es en train de faire. Insensé. Insensible. Là, tu m'as tué les deux. Là, tu m'as mis Dadju et Gims dans la même boîte, là. Bah, qu'est-ce que tu veux, je... Ok, champion. Ok, champion. C'est parti. Chante ta liste de Noël. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit feuillet. Oh merde! Mais avant de partir, il a bien te courir. Ok, fais ce que tu sais faire. Tu chantes en pleurant. Laisse, vas-y, tu pleures. Looking to the hilltop, giving a soul in your palm. Ok, tu m'as filé la chiasse. Ok, c'est les pharmaciens qui vont être contents. Ok. Ah, je suis en train de me chier dessus. Ah, tu rigoles, dis donc. Tu me remercies d'avoir cru en toi et d'avoir perdu 5 minutes de ma vie. Je te remercie infiniment pour l'opportunité que tu m'offres déjà de passer une audition. Crowther, t'as quelque chose. Brian te dit, tu as quelque chose. Believe in you beyond the limit. Merci du temps que vous avez consacré à m'écouter. Bravo, champion. Et bonne soirée. Je crois que je vais pas le rappeler. Ah non, non, non. Ah bon. Allez, les amis, on va aider Marianne qui tente de retrouver sa fille. Il n'y a que l'amour qui compte et on parlera du porno chez les femmes. Eh oui. Et unique qui s'annonce inoubliable. Alors notez ce qui va suivre pour assister à l'événement de cette fin d'année le 31 décembre, ici même à Paris, dans les locaux d'Énergie. Eh oui, on fêtera la nouvelle année ensemble, ricochopublic@gmail.com, les amis, ricochopublic@gmail.com, public avec un C, je le dis pour la famille de Sylvain. 0870 42 48 aussi pour vous inscrire, on vous reçoit et on prend vos noms, ça va être vraiment l'événement, vous appelez 0870 42 48, l'appel est gratuit. Marianne a fait appel justement à l'équipe voilà, du Rico Show et à vous les amis, puisqu'on est une grande et belle famille, vous êtes de plus en plus nombreux, merci beaucoup. D'ailleurs j'espère qu'on va gagner le prix de la meilleure émission. Je sais qu'on ceux qui prennent le train en cours, on était nommés là, pour l'émission voilà, nocturne de l'année, on croise les doigts, les résultats tomberont mercredi. Et merci à tous ceux qui se mobilisent, moi je vois sur mes réseaux, je reçois plein de messages. Ils se sont mobilisés puisque c'est terminé, on vous aime très fort, merci, vous étiez nombreux aussi sur le Snap RICO Énergie, on espère, on croise les doigts, on espère que ça va le faire. Ok les amis, Marianne est là, Marianne souhaite retrouver sa fille. Marianne, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, d'accord ma petite chérie? D'accord. Parce que voilà, je veux pas te faire souffrir une deuxième fois. Elle nous a expliqué longuement son histoire, mais pour ceux qui nous rejoignent, c'est important. Marianne, en fait, elle a rencontré son chéri, qui n'était pas le père de ses enfants, et ça n'a pas du tout collé la rencontre avec les enfants lorsqu'elle organisait un repas. D'accord. Donc voilà, ils se sont un petit peu engueulés. Chacun est reparti de son côté, un peu tendu, un peu énervé. D'accord. Ensuite. À l'issue de cela, un mois et demi, deux mois après, Marianne a eu un accident de voiture, elle est tombée dans le coma. Et en fait, le nouveau conjoint de Marianne lui a dit « Écoute, tes enfants, ils savent ta situation, mais ils ne veulent pas venir à ton chevet. » Alors en fait, il avait relativisé ce qui s'était passé auprès de Marianne et c'est pour ça que les enfants ne se sont pas inquiétés. Ouais. Et du coup, ce qu'il a voulu faire, c'est casser cette famille pour régner, diviser pour mieux régner. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors Marianne, si elle nous appelle, c'est parce qu'aujourd'hui, elle aimerait justement réunir tout le monde à l'approche de Noël. Beaucoup de messages et vraiment tout le monde est avec toi, Marianne, je te le dis. Sur le Snap, je reçois des messages, tout le monde dit on est avec toi, il faudrait que ça marche, il faudrait que ça le fasse, on est avec elle vraiment, on dit c'est trop triste, c'est pas possible, il faut les réconcilier, nous dit Gwen, là c'est pas une blague, le Rico Show c'est du rire, mais là il faut les réconcilier, Sylvain. Après je vais pas faire l'avocat du diable, mais quand t'arrives dans une famille, tu sais c'est pas facile de trouver ta place, de repères et tout. Alors ça c'est une chose, Moi j'étais le premier à le dire, parce que moi j'ai une famille voilà, comme ça qui est un petit peu éclatée, et j'ai dit voilà, peu importe quand ton papa ou ta maman retrouve des personnes, ces gens-là ils sont là H24 avec ta mère et ton père, c'est-à-dire ton beau-père, ta belle-mère. Et toi t'es pas forcément là parce que t'es un petit peu égoïste, t'as ta petite vie et t'as à te construire en tant qu'enfant, adolescent ou autre. Ou si t'es adulte, t'as ta vie. Et donc je pense que l'idéal c'est de soutenir aussi cette personne-là quand c'est une personne qui en vaut le coup. Après peut-être que Marianne, le futur leur a donné raison. Ils sont pas entendus avec le beau-père et derrière ils avaient raison. Finalement Marianne aussi quoi, tu vois. Ou c'était une forme de vengeance. Ouais. Vengeance de sa part. De sa part. Parce que voilà, comme les enfants n'étaient pas. C'est vrai, on n'est pas aussi fou que toi, c'est vrai. Mais c'est vrai, il a raison. Il s'est peut-être un peu vengé. C'est-à-dire, c'est tellement mal passé avec les gosses. Lui, il était fou de Marianne. Il s'est dit, en fait, il faut que je les recule. Il faut que je les envoie chier. Attends, elle était dans le coma. Elle a peut-être. Imagine, sa vie en dépendait. Elle était en danger. Mais peut-être que l'autre, il a pas voulu parce qu'il a senti qu'à un moment donné, il y avait une faiblesse auprès de Marianne. Il a peut-être peur de la perdre et il a fait le con. Alors, ça justifie rien. Mais je peux comprendre ça. Est-ce que Marianne, tu penses qu'à un moment donné, c'est un excès d'amour ou c'est un excès de perversité? Je pense qu'il y a un peu d'amour et beaucoup de perversité. Avec le recul. Parce qu'aujourd'hui, Marianne, elle le connaît mieux que nous. Non, franchement, il était vraiment. Il faisait rien en plus pour aller vers les enfants non plus. Et puis, à chaque fois que j'essayais de voir pour voir les enfants, il trouvait quelque chose à dire pour pas que j'y aille. Ou il m'a fait rater des appels. Il effaçait des messages, bien sûr, je ne l'ai pas vu tout de suite, ça je ne l'ai pas su. Et puis ce qui s'est passé, en fait, Marianne, elle s'est vexée du fait qu'ils ne prennent pas des nouvelles. Et puis quand ils en ont pris des nouvelles, elle étant vexée, elle n'a pas répondu. Et puis ça ne se répondait plus. Et puis aujourd'hui, c'est l'impasse. C'est l'impasse du côté de ces gamins. C'est pour ça qu'elle nous appelle, parce que Noël approche et elle a besoin de nous, Sarah. Ouais, mais ça me fait penser un petit peu à l'histoire de Cendrillon, tu sais, la belle-mère un peu bizarre qui évince la petite Cendrillon. Et le papa, il meurt, il tombe malade, il meurt. Ça me fait penser à cette histoire et j'aime pas trop. Ça m'a fait pleurer, moi, ce film. C'est vrai? Pas bien, c'est angoisse, quoi. C'est angoissant. Non, mais c'est ouf, JM. Ouais, franchement, c'est pas bien ce qu'il a fait, faut le dire. T'es encore en contact ou pas t'as... Ouais, c'est terminé, quoi. Voilà. Parce que si tu revois tes gosses, c'est pas pour te le remettre dans les pattes, quoi. C'est... Ah non. Après, j'ai vraiment ouvert les yeux et après, il m'a avoué à demi-mot que c'était vrai, qu'il essayait de m'éloigner, mais sans vraiment me le dire ouvertement. Et puis, j'ai ouvert les yeux et puis maintenant, j'ai mis un terme à tout ça. Moi, je veux mes enfants et puis c'est tout. Ça fait presque un an que je les ai pas vus. Moi, je peux plus, là. Ouais. J'ai envoyé des lettres d'anniversaire, des cartes d'anniversaire, je les ai pas envoyées parce que je savais pas comment elles allaient réagir. Voilà quoi, disait de pas le faire, que de toute façon il s'en fichait, que j'allais même pas l'ouvrir. Ah, vous êtes mis dans l'impasse, quoi. C'était l'impasse. Toi, Sarah, t'as vécu un petit peu ça, quelqu'un qui a essayé de séparer dans ta famille. Oui, une femme qui s'est immiscée clairement dans la vie de mon papa. Ah oui, elle aurait bien fait, ça leur a évité de m'escroquer. On en parlera tout à l'heure. Il m'a escroqué un pognon d'ail. Arrête, et qui a tout fait vraiment pour l'éloigner un petit peu de nous, lui proposant d'aller en vacances alors qu'on n'avait pas forcément les moyens. Donc elle disait, par contre, tu viens tout seul, tu vois. Ou alors tu viens qu'avec le psy, donc elle embarquait mon petit frère. Enfin, c'était horrible. Ah ouais, elle a foutu la merde parce qu'elle avait un peu de sous, cette femme. D'accord. Ouais. On est sur une personne qui tente de séparer. Non, moi, j'ai connu un petit peu ça aussi. Ouais. En fait, le copain de ma mère. Ouais. Avait des enfants aussi, tu vois. Ah, oui. Donc il privilégiait ses enfants par rapport à nous, tu vois. D'accord. Ah ouais. Donc il faisait des activités. Et ta mère le voyait pas forcément. Bah, pas forcément, elle était amoureuse, tu vois. Ouais. Donc forcément, nous on était un peu mis de côté. Oui. Lui il faisait ses. Non, mais. Ça peut se comprendre, vous êtes un peu neuneux, vous. Donc peut-être que ça lui s'est dit. Avec ta tête de citrouille, là, Cendrillon, là. Ferme-la, va. Oh, il est énervé, Sylvain. Il est énervé. Et les amis, calmez-vous, c'est Marianne qu'on tente d'aider. Vous avez besoin d'aide, hein. D'ailleurs, on le sait, hein, après l'émission, vous allez être pris en charge. Ne quittez pas, les amis. Mais c'est des ouf. Il y a Marianne qui est là, les gars. Calmez-vous. Recentrez-vous un petit peu. Excuse-moi, Marianne. Allez, Marianne, on va appeler ta fille. D'accord, je l'appelle. Ok, Marianne? Oh, oui. J'appelle ta fille et je vois si elle est ok pour te parler. Je sais qu'elle ne sait pas tout. Vous habitez à pas mal de distance l'une de l'autre. Et on va essayer. D'accord, ok, Marianne? Oui. Allez, t'inquiète, ça va le faire, Marianne. Je l'appelle et j'espère qu'elle dira oui pour retrouver sa mère pour les vacances de Noël. On parlera aussi du porno chez les filles. Et oui, ça va tomber. Et puis de Sarah, l'escroc. Ayana Kamoura sera à nouveau dans une émission avec Nikos. Il avait des post-it de partout, Nikos. Te trompe pas, Nikos. Je ne me trompe pas. Elle va chanter ce soir ici, sur le plateau d'énergie. Elle est là. Ça me fait plaisir de te retrouver. Merci. T'as vu, Nikos, il y a toujours des phrases qui veulent rien dire. Il n'y a que les continents qui ne se touchent pas. Et on a réussi à se retrouver parce que les gens de talent aiment toujours se retrouver. Et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Voici Akaya Namamura. C'est Coé, c'est à 17h, c'est sur Énergie et en podcast sur énergie.fr. 100 ans après le grand cataclysme, des villes nomades parcourent la Terre, détruisant tout sur leur passage. Cité prédatrice en approche! Mortal Engines, Peter Jackson vous embarque dans un futur mortellement dangereux. Rien ne peut résister à ça. Découvrez la nouvelle saga épique des créateurs du Seigneur des Anneaux, Mortal Engines, actuellement au cinéma. Avec énergie. Salut, c'est Manu. Toi qui l'as conduit qu'à l'aller. Toi qui as dansé toute la nuit avec un serre-tête licorne debout sur le bar. Toi qui as chanté très fort, très longtemps et très très faux dans la voiture. Mais toi qui es rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Parce que vraiment, tu chantais très faux. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner 2 places de concert énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018. Règlement sur énergie.fr. Énergie. Music only. Quand je perds le nord, quand la vie me fait courber les chines, quand l'hiver dévore mon esprit jusque dans les abîmes, caresse mon cœur avec tes mots doux, caresse mon cœur avec tes mots doux, rien qu'en riant. Ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi. Tu donnes tellement. Rien qu'en vivant, tu donnes. Ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi. Tu donnes. Tu connais ta chance. Toi, t'as choisi le côté qui scintille. Et tu sais la danse que fait l'existence quand tu brilles. Caresse mon cœur avec tes mots doux. Caresse mon cœur avec tes mots doux. Rien qu'en riant, tu donnes. Ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu tu donnes quand t'es toi. Tu donnes tellement rien qu'en vivant. Tu donnes ce que tu génères est précieux. Rien qu'en étant là, tu donnes. Toi, tu donnes quand t'es toi. Tu donnes tellement. Ça ira, va, t'inquiète pas, quand tu me le dis, ça marche sur moi. Je me dis que j'ai pas le choix, qu'avec les yeux que t'as, quand tu regardes la vie, on comprend qu'avec toi, il peut tout arriver. Oh, oh, il peut tout arriver. Oh, oh, oh. Rien qu'en riant, tu donnes, ce que tu génères est précieux. Toi tu donnes tellement. Toi tu donnes quand t'es toi. Tu donnes. Le Rico Show, c'est votre émission. Tous les soirs, 20h-23h. Avec Aymeric Ponnerier sur Énergie. Eh oui les amis, que du kiff jusqu'à 23h. On parlera du porno chez les femmes. Eh oui, une étude sur Pornhub est parue, il faut qu'on en parle. On aura aussi Sarah l'escroc, on vous en parle. C'était la vraie magouille, oui. Et là, vous le savez, on est dans Y'a que l'amour qui compte. On essaye de réconcilier Marianne et sa fille. Je reçois beaucoup de messages. RICO Énergie sur Snap. Il y a le taser de Sylvain, tiens, du Tinder. Mais aussi pour que Marianne retrouve sa fille. Vous le savez, c'est votre émission. Vous venez 0870 42 48, l'appel est gratuit. Sarah, oui. Ne me regarde pas comme ça. On parlera de ton escroquerie. Sache-le. Je suis rentré dans le top 3 des escroqueries subies. J'ai rien fait. Vraiment cette année. Ah ouais? Elle m'a volé un peu du pognon. Alors dis pas elle, c'est Et mon vous allez père. Me dire si vous pensez qu'elle est de mèche ou pas. D'accord. C'est ça qui est important. Tu sais que je vais chialer, que non. Tu sais que là je serais capable de pleurer que tu Écoute, penses ça, mais pour on posera vrai. La question au copain du Rico Show, Sylvain. Elle porte bien sa séquence, hein. Sarah magouille, je peux te dire. La grande magouille, la magouillasse. Les amis, pour l'instant on s'occupe de Marianne. Marianne qui est pas bien, puisque si vous la rejoignez évidemment, elle n'a plus de contact avec sa fille, puisqu'elle avait trouvé un nouveau chéri. Ouais, ouais. Et c'était compliqué pour elle. Parce que justement ça l'a pas fait avec ses enfants. Et du coup lui il a cherché à distancer tout le monde. Elle a fait un accident de voiture. Il lui a dit tes enfants s'en foutent. Je les ai appelés. Du coup blackout total. Plus personne ne parle à plus personne dans cette famille. On arrive à l'approche de Noël et elle veut retrouver sa fille. Ok Marianne? Oui. On a plein de messages. Je pense que là c'est Noël, ça y est, c'est suffisamment puissant. Ah oui. Ton beau-père a minimisé évidemment les blessures que t'as eues sur cet accident de voiture. Je vais le dire à ta fille. C'est le moment, je l'appelle. Et tu connais la règle. Tu entends tout, mais c'est elle qui décide si oui ou non, ouais. Elle souhaite renouer le contact avec toi. Ok Marianne? Oui. Allez, je te souhaite bonne chance, ça va le faire Marianne, ça va le faire ma chérie, ça va le faire. On va tout donner là pour Noël et pour notre Marianne d'amour. C'est parti, on appelle sa fille. Faut qu'elle réponde. Ouais. On aimerait bien. J'espère. Julie, sa fille. Allô? Allô. Julie, bonsoir, je m'appelle Aymeric Bonnery, tu es en direct dans le Rico Show sur Énergie. Tu t'attendais à mon appel, mais tu ne sais pas trop pourquoi. Ça va, Julie? Oui, oui, c'est vrai que je ne sais pas trop pourquoi. Je te sens pas bien. Non. Écoute, Julie, si je t'appelle, c'est parce que tu manques très fort à une personne qui écoute l'émission tous les soirs, qui souhaiterait te reparler. Parce que, évidemment, Noël arrive et que vous avez vécu une situation compliquée. Et ce soir, elle veut vraiment te retrouver. Tu sais de qui je veux parler, Julie? Je crois, oui. Alors, ta maman nous a expliqué une histoire avec ton ex-beau-père. Aujourd'hui, elle n'est plus avec. Je ne sais pas si tu étais au jus. Aujourd'hui, c'est complètement fini. Marianne, elle est seule, ta maman, aujourd'hui. Est-ce que tu le savais, ça, Julie? Non, je ne savais pas du tout. Voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de lien. Et elle nous a raconté l'histoire. Elle nous a dit qu'évidemment elle avait été blessée lors d'un accident de voiture, que t'étais au courant, mais que son ex-copain avait justement minimisé les conséquences et les dommages sur elle, et ça l'avait blessée, que vous ne preniez pas des nouvelles la concernant. T'es au courant de ça, ma Julie, un peu? Oui, je l'avais appelée deux fois et elle n'avait pas répondu. Et en fait, je ne savais pas que... Voilà. Ouais.

Allez les amis, ça y est, c'est le moment. Julie, t'es avec nous. Ta maman Marianne entend tout. Vous êtes séparés depuis quelques mois parce que justement votre beau-père a foutu la merde. Il a voulu diviser pour mieux régner. Ta maman a fait un accident après une dispute. Et évidemment, il ne vous a pas tenu au courant de ce qu'elle avait. Elle avait un grave problème. Elle est tombée dans le coma, ça, ses affaires, évidemment. Et du coup, ça a distendu les liens. Il est peut-être ce qu'on appelle un pervers narcissique hein, qui essaye justement de régner. Ouais. Manipulation, mensonge, tout le cocktail qu'on déteste était présent. Et là maintenant, Julie, c'est à toi de décider. Est-ce que pour Noël, tu vas être avec ta maman dans une semaine? Elle peut être proche de toi pour ce réveillon, pour kiffer. C'est dans une semaine, Noël. Tu lui manques. Voilà 12 mois maintenant, bientôt que vous êtes séparés. Julie, c'est à toi de décider. Elle est là, elle entend tout. Est-ce que ce soir, dans le Rico Show, sur Énergie, 20h, 23h, tu veux retrouver ta mère, Marianne? Oui, maman. Oui, Marianne. C'est elle est là. Ouais. Allô? Julie? Pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardon, je te jure, pardon. Je vous aime, je te jure, je vous aime. Je sais pas quoi dire, mais je t'aime et je me dois. Moi aussi. Ah, c'est beau. Pardon. Allez. Je trouve pas les mots, je suis désolée. On vous laisse vous retrouver ensemble. On va vous mettre en antenne, Marianne, Julie. Profitez de ces moments-là et puis soyez réunis toutes les deux, d'accord? On vous aime très fort. Merci à tous. Bon Noël. Merci. Profitez toutes les deux. Quel bonheur, franchement. Ouais. C'est la famille, ça. C'est la famille du Rico Show. C'est un vrai bonheur, les amis. Sarah, ça va pas camoufler l'escroquerie. Hein. Ouais, t'as beau être triste, tu m'as escroqué, on va en parler. C'est quel beau moment touchant. On débrief de ça, RICO Energy, les amis. Et puis on parlera du porno chez les filles. Allez, Lost in Japan, Shawn Mendes. Faut que je m'en remette, moi. Ah, c'est touchant, franchement. C'est toujours. Hein, ah ouais, c'était beau. Franchement. Ça fait plaisir. C'est pour ça qu'on fait de la radio aussi. Ouais. Je vous aime, les amis. Quel kiff cette émission. Seeing all the rainbows, I got an idea. And I know that it sounds crazy, I just wanna see ya. Oh, I gotta ask, do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Attention, we could cut it with a knife. I know it's more than just a friendship. I can hear you think I'm right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'll only be a couple hours and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan and I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I can't get you off my mind. Can't get you off my mind. Can't get you off my mind. met tout le temps les larmes, cette séquence archi émouvant, nous dit Hello. Et puis Sandra dit, le Rico Show, c'est vraiment une émission géniale et tellement humaine. On espère la faire pour vous et avec vous. Très touchante et une fin heureuse. Je les aime, je suis en larmes, nous dit Bajbouchka. On vous fait plein de bisous, on est super contents pour eux. Ouais. Et puis si vous avez des proches aussi, vous êtes en galère, les amis, n'hésitez pas. 0800 70 42 48. Et surtout, venez nous voir, venez kiffer, on est une famille. Je sais que vous êtes des centaines de milliers à nous écouter. Ça touche, ouais. Ça touche vraiment. Hein. Rico Energy aussi sur Snap, je vous vois, vous êtes comme des ouf. Franchement, venez nous voir, on fait 10 heures de Nouvel An ensemble. Ils s'apprêtent à fêter le Nouvel An avec vous pendant plus de 10 heures en direct sur Énergie pour un moment magique et unique qui s'annonce inoubliable. Alors notez ce qui va suivre pour assister à l'événement de cette fin d'année le 31 décembre, ici même à Paris, dans les locaux d'Énergie. Venez nous voir, Rico Show public, public avec un C, @gmail.com, Rico Show public @gmail.com, ou le standard, vous venez vous inscrire, ok? 0800 70 42 48. Sarah, tu vas pas y échapper, on va parler escroquerie. Ah. Tu m'as escroqué, est-ce qu'elle est de mèche ou pas? On va en parler. Ah oui, ben bien sûr. Ah oui. Elle nous a escroqué même. Ah oui, elle a escroqué les auditeurs, elle a escroqué la France. On m'a escroqué, mon propre père m'a escroqué. On va en parler, les amis, vous venez, c'est un vrai bonheur de faire cette émission, et notamment, on va parler du porno. Il y a une étude qui est sortie sur Pornhub. Alors, je vous explique. 57% de la population en France regarde du porno. D'accord ? Ouais. Sachez que dans la France, il y a 30% des consommateurs de porno qui sont des femmes. Ah, ok. Sont des femmes. Ouais. Donc, les femmes, vous consommez le porno aussi, ouais, bien que les hommes. D'accord ? Vous êtes partout. Il faut savoir que le porno, rien que Pornhub, le site, en termes de consommation, de vidéos, de photos, de contenu, c'est exactement, les amis, comme tout ce qu'a consommé Internet en 2002. C'est-à-dire que le porno a une vie devant lui qui est terrible. Alors, les filles, jusque-là, vous vous planquiez, le porno, on ne connaît pas trop. Sarah, tu t'y files sur le porno ou pas? Alors, dis-le maintenant, je vous explique. Ne m'escroque pas comme... t'explique. Okay. Moi, avec mes copines, c'est vrai que c'est un truc tabou, on n'en parle pas entre nous, on n'est pas là à se vanter comme vous, à montrer des vidéos de cucu. Ouais. Par contre, oui, je sais que moi, ma meilleure amie, elle en mate, que d'autres copines en matent, que même moi, j'en ai maté, mais pas de manière malsaine, vraiment pour s'informer sur l'anatomie. Pour s'informer, Sarah, est-ce que vous voulez que je vous donne les catégories des filles? Allez, vas-y, Rico. Moi, je vais vous le donner dans un instant. D'abord, on prend Mélanie, qui a fait le 0800 70 42 48. Elle est belle, l'info. Ça va, Mélanie? Coucou, les ricochets. Salut, ma chérie. Salut. Alors Mélanie, on a besoin de vous mesdames pour comprendre un petit peu ce porno qui se démocratise chez vous. Qu'est-ce que vous faites avec ce porno, Mélanie? On t'écoute. Bah, il le regarde. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait derrière? C'est pourquoi? Bah, déjà, un porno, c'est très très excitant entre nous. Voilà. Donc jusque-là, la démarche, elle est la même que les hommes alors. Oui, tout à fait. De toute façon, ils recherchent la même chose. Et puis, c'est encore mieux quand on est à deux à le regarder. Oui, d'accord. En même temps, c'est encore mieux. Ah, d'accord, c'est le porn pool. Et vous bouffez des pop-corns devant aussi ou pas? C'est énorme, ouais, les gars, ils partagent et puis ils reproduisent. Sylvain, t'as déjà partagé un porno avec une femme? Bah, bien sûr, c'est la petite cerise sur le gâteau, quoi. D'accord. Quand t'es en couple, c'est la petite option pour s'amuser. Ouais. Tu vois, non, mais c'est il vrai. Il paraît qu'après, t'as les yeux rivés sur le porno. Non, mais c'est vrai que des fois, tu peux regarder le porno ou le taf. J'aurais l'impression d'être trompé. Le gars s'excite sur une autre nana pendant qu'il me fait l'amour. T'as l'impression que la nana remplace la main, non? Oui, attends. Et il n'y a pas d'âge pour apprendre. Plus. Ouais. Il y a une petite position que t'as pas connue, que tu peux regarder quoi. Tu peux faire. Mélanie, toi, c'est vraiment sur l'excitation. Tu regardes pour apprendre. Tu regardes pourquoi? Alors moi, c'est déjà avant tout pour l'excitation et ensuite pour apprendre des nouvelles positions parce que on connaît pas tout, donc si ça peut donner des idées, pourquoi pas. Hein. Enfin, les femmes se libèrent sur le porno. Ça fait plaisir. Certaines femmes. Ça fait plaisir, JM. Mais après, moi, je pense que tu peux le mettre pendant les préliminaires. Mais une fois que tu fais l'amour à ta copine. Et tu t'imagines. Le coupes, ben voilà, je sais pas. Non. Une fois, tu regardes plus après. Ouais, mais c'est ce que je te dis. T'allumes la mèche. T'étais l'ordi. Bah, quand tu es parti, le film, tu le laisses partir. Hein, tu le laisses jusqu'au bout. Hein. Attends. Est-ce que tu regardes un film, après, tu regardes plus le film, toi? Bah, évidemment, après, je fais le câlin avec ma gonzesse. Je m'en bats les nouilles du film. De toute façon, il n'y a aucun porno où j'ai eu plus de deux scènes, moi. Hein. J'ai jamais eu le temps d'y aller. Ils se ressemblent tous, les pornos. C'est vrai, très vite. Moi, les pornos, les gars, si je dépasse la troisième minute, je suis un champion. Non, mais c'est vrai, vous êtes super fort. Je sais pas comment vous faites pour tenir des heures devant des pornos. Non mais les gars, c'est pour ça que les vidéos courtes de Jacques et Michel, elles sont très bien. Excusez-moi, j'ai Jackie dans la gorge. Et moi, je serais curieuse de savoir c'est quoi les catégories des nanas. Ah bah, je vais te les donner, ma Sarah. On y arrive, t'inquiète pas. Alors Mélanie, figure-toi qu'il y a Adeline qui regarde aussi avec son mec. Elle a fait le 0800 70 42 48. Ça va, Adeline? Salut Rico, salut l'équipe, ça va très salut bien. Salut ma chérie. Salut. Alors, on regarde du porno avec son mec. Bah ouais. Bah nous, ça va être un peu plus pour s'ambiancer, tu vois, mais... Moi toute seule non, mais avec mon mec. D'accord, c'est comme les clips de musique, tu vois. Moi je mets énergie pour m'ambiancer. Elle met du porno. Elle met un bon porno. Non mais c'est vrai, et c'est toi qui est à la base de la demande, ou tu suis un peu ton mec qui te met dans le délire, ou c'est toi qui es demandeuse? Ah ouais, non, c'est plus moi qui est demandeuse. Ah ouais, ouais. Comment ça se passe? Explique-moi un petit peu la démarche. Tu vas voir ton chéri, tu dis voilà, j'aimerais bien qu'on regarde Nathalie fait du vélo. Ouais, non, pas forcément. Je vais mettre la chaîne, et puis oh bah bizarrement c'est un film, mais voilà quoi. Ah, on est abonné. D'accord. Ah ouais, la chaîne. La chaîne. Ah ouais, par contre c'est chiant, TMC, NT1, faut qu'il change. C'est toujours des trucs. Ouais, collé par cœur. Ah ouais, c'est des trucs à l'ancienne, c'est toujours dans un château, les dialogues on en peut plus. Taisez-vous. La scène est finie, elle est trop courte ou trop longue. Ouais. Mais c'est bien, moi j'aime bien, c'est romantique, c'est pas hard. Moi je kiffe les films érotiques. Ah oui, t'es en train de nous dire qu'en fait c'est l'érotisme que t'aimes dans le porno, c'est tout ça. Oui, c'est l'érotisme. Bougez pas, je vous parle des catégories que les femmes regardent, les amis. Bougez pas, on en parle, et puis on aura Anaïs, sexologue, qui est là pour en parler avec nous. Le porno se féminise. Ah, j'aurais pas cru, tiens. On est là jusqu'à 23h, on parlera escroquerie avec Sarah. Báilame como si fuera l'última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Aquí. Prende los motores Kawasaki. En la discoteca ya ni llegaron los Anonaki. No le pare, el booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Whoa, oh, oh, oh. I am music, I flows. Bye. He say he wanna touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to beat it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he say he really wanna see me more. I said we should have a date. But I'm a boss, bitch. Who you gonna leave me for? You hoes got no class. You bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. El booty sobresale de mi traje. No traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Could keep it tight every day. And I know you need a taste. And now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on the mat, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party, it's a fiesta. Blow out your candles, have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talky-talky wants, yeah, my talky-talky gives. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Le porno se féminise, n'est-ce pas Sarah? Ça y est, de plus en plus, vous êtes des consommatrices. Et d'ailleurs Anaïs aime le porno et elle est sexologue. Elle a fait le 0870 42 48. Ah, comme vous, n'hésitez pas à venir les amis, l'appel est gratuit. On parlera escroquerie dans la foulée. Anaïs, ça va Anaïs? Bonsoir. Alors Anaïs, toi tu consommes un petit peu le porno, t'aimes ça? Voilà, déjà pour moi-même, ouais, évidemment, ouais, et surtout parce que j'en fais part à de nombreuses patientes qui, d'accord, sont souvent dans le tabou, elles n'arrivent pas à aller par elles-mêmes, et ouais, en pleine consultation, moi, de demande en sexo, je prends mon téléphone et je vais sur les sites pour leur dire, voilà, il faut arrêter d'être... ouais, je leur montre que c'est accessible et qu'on peut regarder du porno sans en avoir oui, peur. Ah, maintenant, les sexologues s'y mettent, quoi. C'est-à-dire, vous montrez direct le porno aux gens pour leur dire, allez, décoincez-vous. La théorie, place à la pratique. C'est important parce que, par exemple, moi, j'ai des femmes qui ne connaissent absolument pas leur anatomie. Ouais. J'ai des femmes qui ne connaissent absolument pas ce qu'est la jouissance, spécialisées en victimologie. Ah, ben, je t'envoie ça. Arrête un peu. Non, mais je peux intervenir deux secondes. Et leur demande, elle est. Mais laisse ça, les sexologues. Du romantisme, on le trouve dans le sexe lesbien, dans le porno. D'accord. Alors oui, sur ça, je suis d'accord avec vous, madame la sexologue. Il n'y a pas de souci. Moi, c'est la catégorie qui c'est vrai que c'est celle-là que je prône, on va dire. Mais par contre, dire que les films porno, ils aident dans la sexualité, au contraire, ça infériorise. Moi, je complexe quand je vois des pornos. Attention, c'est pas la vraie vie, un film attention, porno. Je suis désolée. Le film porno, il te complexe quand t'es gosse, que tu connais rien et que c'est ta source de connaissances. Mais quand t'as 35, 40 ans, que t'es aguerri, je pense, et que t'as le bulbe qui est assez développé, t'es capable de dissocier certaines choses. Et je pense que là, ça peut être un moteur. Alors quand t'as 16 ans, 15 ans, 14 ans, c'est une connerie. Mais je pense à Anaïs, je parle sous ton contrôle. Quand t'es un peu plus âgé, peut-être que t'es plus apte à consommer. D'ailleurs, le porno, c'est moins de 18. C'est pas pour rien. C'est parce qu'on sait qu'à partir de 18 ans, on est plus apte à encaisser les images, peut-être, Anaïs. Probablement. Et après, dans le porno, il n'y a pas que le gangbang, le bondage. Ah voilà, c'est un petit bonus. Il y a beaucoup de choses qui sont liées à la représentation de la transgression. Et il faut savoir que le fantasme, il est lié à la transgression. Mais sauf que certaines sont fantasmées sur des choses qui paraissent normales pour d'autres. Ouais. Donc c'est normal qu'il y ait autant de possibilités. En effet, c'est interdit au moins de 18 ans. Donc évidemment, après, il y a des projections. On n'a pas tout le corps des actrices porno. Alors, quand il s'agit d'actrices, mais quand il s'agit d'amateurisme, c'est autre chose. Oui, le porno amateur. Il faut de tout. Ouais, bien sûr, mais l'amateur. Mais le porno, c'est le porno. C'est pas le pro. Mais non. Oh, le pro, mais alors c'est le pro, c'est bien fait aussi. Non, mais oh l'amateur, il kiffe. Mais tu connais quoi du porno, toi? Mais qu'est-ce t'en sers? Pour dire que c'est pas bon pour les autres. Tu sais, c'est la meuf qui le consomme pas qui dit que c'est pas mais bon pour les autres. Parce que le vrai porno avec des actrices, on sait très bien que c'est joué, que c'est faux. Les mecs sont pas membres comme ça. C'est du mytho dans le amateur, c'est véridique. Mais attendez, vous croyez vrai? Un truc qui me dérange dans le porno, c'est la considération parfois de la femme, qui est objectisée évidemment, et pour lequel il y a des propos vulgaires. Et on retrouve pas ça dans le sexe lesbien. Souvent dans le sexe lesbien, pornographique, il y a plus de douceur, il y a évidemment d'autres choses, c'est plus romancé, même s'il n'y a pas l'histoire du plombier qui vient me dépasser. D'ailleurs, Anaïs, d'ailleurs, c'est pas mal. Au niveau des catégories, la quatrième catégorie, c'est mature. Donc les filles, vous allez en top 4, votre quatrième catégorie préférée. Non, c'est pas beau. Vous allez chercher justement le sexe mature, c'est une de vos recherches. En troisième, la grosse kékette. Bicoque. Voilà. En deuxième, c'est la petite porte. Voilà. Clairement, le nul. Voilà, la nalle. Et en premier, effectivement, comme dit Anaïs, et comme quoi elle connaît son métier, c'est lesbienne. Ah oui, mais ça, je savais. Bah, c'est lesbienne. C'est à toutes mes copines, c'est ça. Et tout mon groupe, quoi. Tout le monde. D'accord, tout le monde regarde ça. Ouais. C'est tout le temps ça. Mais Sarah, t'as vu, elle a sa catégorie, les MILF. Ah ouais. Tu vas trop temps, Sarah. Je trouve bien le côté de la masturbation, parce que quand on se fait l'amour à soi-même, on est dans un rapport presque homosexuel. Donc regarder un film homosexuel en se masturbant, ça a de la logique finalement. Ouais. Ouais, je comprends, ça s'entend. Anaïs, merci en tout cas d'être passée. Vraiment, je te fais plein de bisous. Il faut regarder le porno et j'ai juste une petite dédicace. C'est un petit alors, tu bouges pas, Anaïs. Matin, je suis à un réseau bouge pas. Pro et je leur fais un... Bouge pas, Mané, je dois lancer une petite pub d'une minute, on revient. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Tant qu'on est dans les cadeaux de Noël, j'ai les astuces d'après une étude pour bien réagir si on vous offre un cadeau tout pourri. Ça peut aider. Sourire quoi qu'il arrive. Ouais. Oui, sinon ça se voit. Mm-hmm. Ensuite. Il faut garder un contact avec les yeux de celui qui offre pour paraître sincère dans le merci. D'accord. Ah ouais, c'est dur. Et enfin, si on ne sait pas quoi dire, il faut faire la technique du merci câlin. C'est-à-dire que vous arrivez vers la personne, vous ne savez pas quoi dire, et vous la serrez dans vos bras. Ah ouais, oh merci. Mon conseil, n'ayez pas un couteau dans la main. Manu dans le 6-9. Manu. 6h, 9h30 sur Énergie. Certaines blessures ne guérissent jamais. J'avais 8 ans quand ma mère est morte. Peter Jackson présente Mortal Engines. Les villes se déplacent, telles des machines mortelles. Seule une jeune rebelle peut sauver le monde. Tu es sûr de vouloir y aller? Il le faut pour ma mère. Par les créateurs du Seigneur des Anneaux, Mortal Engines, actuellement au cinéma. avec énergie. Salut, c'est Coé. Toi qui, par chance, s'est fait piquer ses clés de voiture hier soir. Toi qui a parlé toute la soirée avec un lampadaire. Toi qui a dormi avec ta perruque fluo. Et toi qui est rentré entier ce soir-là. N'oublie jamais de remercier ton Sam, le conducteur désigné. Et pour lui montrer votre respect, tentez de gagner 2 places de concert énergie pour vous et votre Sam. Partagez votre Sam expérience avec le hashtag Respect Sam Énergie. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Respect, Sam. Jeu jusqu'au 30 décembre 2018. Règlement sur énergie.fr. Rejoignez l'équipe au 0800 70 42 48. L'appel est gratuit. Le Rico Show, c'est votre émission sur Énergie. Eh oui les amis, on parlait du porno Anaïs, je suis désolé, j'ai la pub qui est partie, j'ai pas le choix. Tu voulais faire une dédicace à Anaïs puisqu'on parlait justement du porno et qui est sexologue. Oui, merci. Alors déjà, je fais une dédicace un peu particulière, mais à mon fils qui, à cette heure-ci, devrait dormir. Ouais. Mais je l'éduque aussi à la sexualité, donc je vous écoute quand je passe. Donc un gros bisou, mon fils, je t'aime. Et également une dédicace au réseau ProVN Sport & Business, dans lequel je suis attendue demain matin aux Aurores, pour lequel voilà, je travaille avec eux sur tout ce qui est recommandations entre professionnels de différentes sortes. Donc voilà, je pense à eux. On les embrasse. À l'écoute de votre émission. On t'aime, Anaïs. En tout cas, merci d'être venu, c'était franchement hyper intéressant. Plein de bisous Anaïs. Et vive le porno. Merci Mélanie, Adeline. Franchement, merci les filles. Voilà, elles ont osé le dire. Le porno font partie de leur vie. Bravo les filles. On vous fait un petit cadeau. Et puis bon film. Hein. Merci. Salut Adeline, salut Mélanie. On vous fait un petit cadeau. C'était un vrai bonheur. Sarah, tu vas pas y échapper. Sarah, les amis, je vous le dis, m'a escroqué un petit peu d'oseille. En tout cas, une histoire complètement folle. Ah oui. C'est vrai. Vous allez déterminer si Sarah est responsable ou pas, et si surtout j'ai raison ou pas. Ah, elle est incroyable, cette histoire. Histoire complètement ouf, les amis. On va débattre de ça en famille. Et franchement, je vous attends pour en parler. 0870 42 48. Vous qui êtes une famille, vous devez juger Offenbach. C'est votre émission, tous les soirs, 20h-23h, avec Aymeric Ponnerier, sur Énergie. Eh oui les amis, c'est vrai qu'on est là du lundi au vendredi, 20h-23h, on est avec vous et on vous kiffe. Mais là, il faut que je vous parle d'un dossier très précis. D'ailleurs, on va prendre Adrien qui sera le témoin de cette histoire, puisque Adrien, c'est un copain du Rico Show comme vous tous qui nous écoutez. Ça va moi Adrien ? Yo, comment ça va les amis? Salut mon pote. Adrien, elle a fait le 0870 42 48. Adrien, t'es un fidèle. Je sais que t'es là tous les soirs. Ah bah écoute, plus que fidèle là, je suis même plus fidèle à vous qu'à ma meuf. Donc, ah bah écoute, c'est fort, c'est fort. Et vu comme tu la trompes, franchement c'est pas un compliment. On rigole évidemment, il est fou de sa meuf. Adrien, bah oui je le sais. Adrien, écoute-moi bien mon petit poulet, écoutez-moi bien vous qui êtes à la maison en voiture. On fait un repas de Noël, tu connais les repas de Noël Adrien? Grave, grave, grave, t'as toujours le tonton bourré que de toute façon. Ah bah ouais. C'est voilà. Ouais c'est ça, t'as toujours ça. Eh bah... Je vais t'expliquer le dos, moi Adrien. On va donc, on décide de faire un repas de Noël. On se dit, écoute, on va au resto couscous de Sarah. Et oui. Comme tous les ans. Comme tous les ans. Parce que, voilà, on aime bien, c'est familial. On est toujours bien reçu. On a été super bien reçu l'année dernière. Et tu sais, Adrien, on a une petite formule assez sympa à 25 euros le couscous. Voilà. J'aime pas. C'est, franchement, prix d'amis, 25 euros. 25 d'habitude, euros, c'est 35. 25 euros prix d'amis, c'est intéressant. T'arrives, tu fais un petit couscous, la brique à l'œuf, entrée plat dessert, des fruits, du coca volonté, un petit verre de rouge, nickel. Tu vois pas, c'est sympa. Je fais un bon petit repas de Noël, 25 euros. En plus, on est dans la famille de chez Sarah. On fait marcher. Tout le monde profite. Tranquille. Tout le monde profite, on fait marcher. On sait qu'il n'y a pas de facture, c'est pas grave. On se dit, bon, écoute, on y va. Bonne franquette. D'accord, moi, Adrien? Ouais, vas-y. Donc, fort de ce premier repas, nous décidons de réitérer ce repas de Noël cette année. Dans l'histoire. On nous dit, voilà, banco, on y va. En plus, comme t'es un petit peu crevard, voilà. Forcément, 25 voilà, un petit peu crevard, 25 euros la formule, bim bam bim, la bonne affaire. Hein, on est une dizaine à bouffer, 250 euros c'est plié. Hein, et puis voilà, j'économise 25 euros sur leur salaire à chaque fois. De toute façon, il n'y a pas de souci. Donc j'ai dit, on y va. On arrive là-bas et vient l'addition. Ah. Je vois une addition alors que nous sommes. La douloureuse. Alors que nous sommes 9 à manger plus Sarah et son mec, ça fait 11. Ouais. Et Sarah et voilà, et son mec. Tu peux pas payer la fille quand même. Je lui ai dit, bon, écoute, là je reçois une formule au lieu de 25 euros à 35 euros la formule. Ah. Nous étions 9 à manger, hors fille et gendre. Je vois 12 formules. Ah. 12 formules à 35 euros. Il y avait du vin normalement compris dans la formule en verre de vin. Au pichet. Au pichet, voilà. Mais non, c'est des bouteilles. C'est des bouteilles. Ah, bouteille. Ouais, c'est à Saint-Denis. Ouais. Au pichet, mais t'es grave, toi. Pourquoi t'interviens comme ça là, pour pourrir le truc? Comme toi, t'inquiète pas, c'est déjà, attention, Adrien, si on fait le point. La formule est passée de 25 à 35, à 10 euros que j'ai pris dans le cul par formule. D'accord? Ça fait toujours plaisir. Hein. Voilà, ça fait toujours plaisir. Il y a 3 formules en plus de 35 euros. Bon, ça fait déjà, rien que sur cette histoire, j'ai déjà perdu 200 euros. La matière première a augmenté, attention. Voilà, oui. Le couscous, la semoule. Merci, Sylvain. Elle est plus en plus rare, hein, je peux vous dire. C'est tout dans tes oreilles. C'est bien, tu te les laves. Ouais. Et là, je vois les bouteilles de vin payées. Ils me font payer les bouteilles de vin, c'est-à-dire qu'il y avait des vins alors que la formule était comprise, les 3 bouteilles, 100 euros. C'était la villageoise en plus. Du pinard d'Algérie. 100 euros le pinard d'Algérie, Adrien. 3 bouteilles, 100 euros. Je suis déjà à 300 euros de préjudice. Alors qu'à métro, elle est à 20 balles. Hein. Je te jure. Elle est à 20 balles. Ouais, je crois. De quoi la bouteille? Non, elle est moins. Mais non, ça coûte deux, en gros. Ça coûte 2-3 euros une bouteille comme ça. Qu'est-ce que tu crois? En gros. Mais oui. La villageoise là. Écoute bien, donc là je suis déjà à quasiment 200 euros. Ouais. Et puis tu sais, durant la soirée, Adrien, il y a une petite danseuse orientale qui vient. Tu la connais la danseuse? Tu sais, dans les restos couscous, t'as toujours quelqu'un qui vient te faire un petit kiff de temps en temps. C'est quand même une option. Bah, ça va, le récupère d'ailleurs. Hein. Bah voilà, bah exactement. Et là, il me fait payer 100 euros. Non. 70. 80. Alors qu'elle danse pour tout le monde en plus. Alors qu'elle danse pour tout le resto. Voilà. Je suis rentré avec 100 euros. Et moi en fait, je savais pas. J'ai dit je paye. Enfin, on avait quelqu'un qui payait. Je peux pas payer. Si on n'aurait pas payé. Et on arrive à 300 euros de préjudice. Qu'est-ce que t'en penses, Adrien? Bah moi je pense que Sarah Dublet, elle t'a niqué. Gala. T'as pas fait dire dans le couscous. Ça avait des pains, frère. C'était un couscous au crabe, donc on récapitule. 10 euros par formule en plus, 3 formules en excédent, une danseuse et 3 bouteilles de pinard. Joyeux Noël. Ah ouais. En plus, elle t'a pas dit, mais la danseuse, c'est sa cousine. Il a raison, Adrien. Je veux savoir, est-ce que vous dissociez, puisque c'est le père de Sarah qui nous accueille, est-ce que vous dissociez Sarah de cette affaire ou vous pensez que Sarah, en snack, elle a pris un billet? Elle a pris un billet. Adrien, est-ce que tu penses que Sarah est de mèche? Mais ça va, t'as niqué, mais d'où, frère? Sylvain? Ah, ça décharge? Enfin, ouais, enfin, ça charge même. Elle a une nouvelle paire de pompes depuis aujourd'hui. Oh, n'importe ouais, quoi. Ouais, si, si, ah, des trucs. Ah, c'est vrai qu'elle a des pompes magnifiques. Ah, des trucs à 100 balles. Je les ai depuis un mois, c'est des arcs, j'ai payé 30 euros dans les soldes. On les a pas vus. Bah, je peux m'exprimer sur cette sombre affaire ouais. Ah, c'est ça, c'est des loups bouffe-moi. Ouais. Non, mais attends, je peux m'exprimer. Alors, moi, je tiens à me dédouaner de la personne de mon père qui nous a escroqué. Et pas que vous. Moi, après, j'ai récupéré les sous, j'ai dit, papa, t'as déconné. J'ai tout détaillé. J'ai dit, comment tu as pu nous faire payer la danseuse? La famille, bah, c'est Rico Show, je suis vénère contre lui, je ne lui parle plus, j'ai récupéré les sous, le surplus que je tiens à te rendre, ils sont dans est-ce mon sac. Est-ce que Sarah est coupable? Dites-moi, RICO Energy, hashtag Rico Show sur Energy, Ritza, on s'est manqué, derrière c'est Mickey. Bah, je veux juste statuer sur ça, vous me dites, vous faites le point. Tu m'as bloqué, et tu penses que j'ai une autre à mes côtés. Toi tu t'es fait une raison sur un coup de tête. Et ça me tourne autour à croire que je suis coté. Mais je les envoie balader. Elles n'ont pas ton sourire, je leur ai dit sorry. Et depuis que je suis parti, ton cœur est balafré. Je passe mon temps à sortir, tu le vois dans mes stories. On n'a plus rien à se dire, dis-moi où j'ai faussé. Et je vois que tu fais ta vie, que dans la nuit tu brilles. Mais je te connais par cœur, tout ça c'est pas toi. Et je vois qu'on te courtise, dis-leur de rester tranquille. Non on n'est plus ensemble, mais t'es quand même à moi. Mais toi tu crois que je suis ailleurs, que j'ai comblé le vide dans les draps d'une autre. Et moi je crois que t'es ailleurs, que t'es dans ses bras. On s'est manqué, manqué, manqué, manqué. On s'est manqué, manqué, manqué, manqué. On s'est manqué. On s'est tout donné. Mon cœur est solitaire et le tien est ailleurs. De peu on s'est manqué. L'impression de mentir quand je te souhaite le meilleur. Sans dire un mot, on s'est tourné le dos. Comme deux inconnus quand on se croise en bendo. Tout est snapisé, je suis pas parano. Tu me surveilles sans cesse, mais surveille tes poteaux. Tant pis, on s'oubliera. Le temps nous dira si on a bien fait. Et si je te mens parfois, si je fais semblant, c'est que j'ai ma fierté. Mais toi tu crois que je suis ailleurs, que j'ai comblé le vide dans les draps d'une autre. Et moi je crois que t'es ailleurs, que t'es dans ses bras. On s'est manqué. Je sais que t'as envie que je revienne. Qu'est-ce qu'on fait? On s'évite, on s'oublie, on se voit, on se confie, on se cache. Qu'est-ce qu'on fait? On s'appelle pour de bon, on se dit au revoir. On s'est manqué. Ça statué. Bon, ça va, on te pardonne. On te pardonne ouais. Sur les réseaux, on dit elle a pas pu monter ça. Elle a pas pu monter ça. Non, mais c'est bon, ma Sarah, t'inquiète. C'est pas moi, en plus, je parle plus à mon père pour la petite non. anecdote. Ah non, je ça te jure. Non. Bah, si, je lui en veux beaucoup, ah, vraiment. Parce après, que... on va faire un Y'a que l'amour qui compte et tout. Ouais. Bah, on fera un Y'a que l'amour qui compte, on est une famille. Et pour moi, il m'a escroqué, moi aussi. Enfin, il m'a même pas escroqué, je sais pas ce qu'il lui a pris dans sa tête. Il a dû s'enflammer, penser qu'on avait des 1000 et des 100. Bah, il y a Noël qui arrive. Il va faire des cadeaux. Profite du cadeau qui arrive sous le sapin la semaine prochaine. Pense fort à tout le monde. Putain, c'est de la folie, quoi. Ouais. Fais resto, tu as payé 200 euros. Oh putain. Ah purée. Oh, j'y retournerai plus. On fait un resto dans l'année. On met toutes les économies de l'année dans ce resto. Putain, on se fait voler. Ah, je suis à deux doigts de lui foutre l'hygiène au cul. Hein. Ah non. Ça ferait du bien à tout le monde, cette affaire. D'ailleurs, j'ai chopé une tourista derrière. C'est pas vrai. 70 balles et sont partis dans les chiottes. Ah, je suis dégoûté. Adrien, je t'embrasse, moi, Adrien. Plein de bisous, Adrien. Je vous embrasse. Eh, Sarah, t'inquiète, c'est pas de ta faute. Bah, bon, tu les as quand même un peu niqués, mais c'est pas grave. Non, c'est faux. En plus, il m'envoie un texto, mon père, il nous écoute. Ah, il dit quoi? Oui. Je sais pas, il fait tous les calculs et tout, dit à Potard ou Bouffetard de lui rembourser. Écoutez, Bah pourquoi? Bouffetard. Oh, quel jeu de mots. Oh là là, il faut qu'il fasse un one man lui. Bah écoute, ça arrive, on va vous l'envoyer. Non mais lis le texto, lis. Non, lis. Mais non, mais c'est un sens, il fait des jeux de mots. Vas-y, fais les jeux de mots de ton père, vas-y, vite. Mais non, le menu à la carte, brique, 7 couscous royal, 24 décès. Oh, il a fait l'addition. Je fais le jeu. Voilà, 495 euros, je sais pas quoi. Enfin, je comprends rien. Mais bon, papa, on t'aime quand même. C'est pas les chiffres et les lettres, comme toi. Vous inquiétez pas, on vous adore, on reviendra. Pas. Non, bisous, moi, Adrien, on te fait un petit cadeau. Salut, moi, Adrien. Salut. Bisous, je vous kiffe. Bisous, on te kiffe. Merci, les amis. N'hésitez pas sur Snap, je réponds à tout le monde. RICONRJ. Il est là, il arrive, il est tout chaud. Mais n'oubliez pas l'important dans la vie. C'est quand même. On vous aime, à demain, 20h pour la dernière semaine. Avant les vacances. Mickaël est là, ça va? Comment? Bah oui, ça va très bien, et toi? Enfin, vous? Écoute, ça va? Bah écoute, ça va. On a pris une carotte ce week-end, mais ça va. Une carotte? Ouais, oui, une carotte cuite de. Une carotte de Sarah. Ah oui? Ouais. J'en fume. Bon écoute, c'est pas grave, ça va toi? Bah ça va, tranquille, écoute, bientôt 20h minuit, là, la semaine prochaine, on va passer Noël ensemble, la cool. C'est quoi? C'est voilà, beau. Qu'est-ce que vous allez faire pour Noël? Eh bah écoute... On va bouffer un couscous. C'est drôle ça, les mecs. Eh bah tu sais quoi, j'ai même pas eu le temps d'y réfléchir. Pourquoi tu manges pas de la bouillabaisse? Ou alors une défaite, une bonne défaite de l'OM. Ah ils ont gagné, ah non, ils ont pas gagné, bah oui, ils ont pas... Bah non, comme ça au moins y'a pas de défaite, tu me diras. Exactement. Oh non. On fait de la sardine. Oh non. C'est bien qu'ils aient reporté le match, c'est bien. Ah ouais, c'est bien. Pour longtemps, si vous pouvez... C'est vrai, c'est vrai. Reporter tous les matchs. Ouais, il faudrait redémarrer la saison d'après. Ouais, là, c'est un autre problème, évidemment. Bon, sacré. Bon, bah bonne soirée, les amis. Bisous. Salut à vous. Allez, hop là. On démarre avec. Qu'est-ce qu'on va se mettre d'ailleurs comme son? On va se mettre quoi? Je sais pas. Vas-y. Comme bon, tu sais quoi, on démarre tout court. Voilà. On est en décembre. Noël arrive. C'est une fête magique. On célèbre l'amour, l'amitié, la joie. Noël, c'est féerique. La joie, la bonne humeur, la famille. Toutes les nuits, ils sont là. Ils sont là. Mickaël, Tof, Polo et Amina. Ils terminent l'année en beauté. La vie est un combat. Une lutte entre le bonheur et le malheur a lieu. Tous les soirs, choisis ton camp. Tu aimes sourire et tu aimes rire. Tu es le bien. Bien. Tu es mauvais et tu te plains. Tu es le mal. Pressé de finir 2018. Une année mouvementée. Beaucoup de rire et d'amusement. Des problèmes et de grands moments. Ah, vous êtes génial. Ça se termine bien. Et heureusement. Sans conflit et calmement. Et pourtant, après avoir subi des problèmes, des changements d'horaire, de grosses galères, des changements de studio, des changements de pays, des galères d'argent, une expulsion, une révélation. L'année se termine. Mickaël et toute la team vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année sur Énergie. Twitter, Facebook et Insta. Mickaël officiel. Bienvenue à vous, c'est Mickaël. Tous les soirs, on est sur Énergie. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Dernière semaine avant Noël. Dernière semaine avant avant le vieux barbuteau rouge qui va passer dire bonjour. Mickaël a hâte. Et oui, je m'en fous. Non, mais voilà, on va passer Noël ensemble. Et puis ça va être bien, on va se marrer. Et puis voilà, Amina va gueuler parce qu'elle n'aura pas de homard. Hein. Bonsoir. Parce qu'elle a l'habitude de manger du homard, c'est ça, bien sûr. J'ai l'habitude de manger du homard. C'est une vanne raciste pour dire que ton pote, son meilleur pote, c'est homard. C'est ça la vanne. Ah, ça n'a rien, qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, on te connaît. Petit, ouais. Devenu complètement ouf. Bon, Amina va bien? Ah oui, bah Amina n'entend pas. Oui. Ah bah voilà, c'est pour ça qu'il gueulait pas sur le homard. J'ai compris maintenant. Bah oui, forcément. Ah bah maintenant tu m'entends. Ah bah là, je comprends très bien. Ah bah maintenant ça fonctionne là, ça bien, va. Très bien. On disait que tu étais radieuse aujourd'hui. C'est pas vrai. Oh, c'est gentil. Je ne prends pas une seconde. C'est pas moi, j'ai dit que c'était une. Quand il a dit que tu mangeais du homard, c'était une vanne raciste pour dire que ton meilleur pote c'est homard. Ouais. Tu vois? Non, mais tu vois le sous-entendu, ça. Ah ouais, on part sur homard. C'est ça la Belgique. Ah ouais, bah mais quel rapport encore. Bon, Tof qui est évidemment pour débuter la semaine est parti au chiottes. Exactement, au chiottes, puisqu'il a des problèmes gastriques, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Bref, Polo a passé un bon week-end. Bonjour, ouais. Polo calme. Est très déçu, on en a parlé tout à l'heure. Pourquoi? En bouffant. Le mouvement des Gilets jaunes s'est un peu affaibli. Il était c'est déçu vrai. Parce qu'il a quand même tout donné pour le mouvement. C'est vrai. Et voilà, bon. Se dire rien, quoi. Il était un peu déçu que ça commence un peu à diminuer. Bon, bah c'est pas grave, il y a l'acte 6, je crois, qui arrive, non? Oui, je pense, ouais, a priori. Il y a Eglantine qui dit bonsoir, les amis, je suis trop happy d'apprendre que vous passez les fêtes avec nous de 20h à minuit. Je vous aime trop, merci, bonne émission. De rien, Eglantine. Bah, on dit les fêtes, mais ce sera le réveillon de Noël. Emmerich, c'est lui, c'est le réveillon de Nouvel An la semaine d'après. Mais voilà, nous, on sera là toute la semaine, du lundi au vendredi, 20h, minuit. Voilà, Adrien qui dit hello la team. Oui. Non, je vais juste faire un petit appel à témoin. Si quelqu'un a un plan sympa pour le jour de l'an, moi, je suis OP. Non mais j'ai zéro plan en fait. On s'en tape. Je m'en suis rappelé, j'ai demandé à tous mes potes ce qu'ils vous faites quoi. Tout le monde m'a dit je sais pas. Donc en fait, c'est très bien qu'ils savent et qu'ils veulent pas m'inviter. Exactement. Donc, si quelqu'un a une soirée... Mais c'est ça en fait, c'était trop. Bah tu sais quoi, passe la soirée avec Toff. Ah non, merci. Non. Voilà, il va être là tranquille chez lui. Chez Marie, il va être à 2h du matin. J'étais aux toilettes. C'est ça. Adrien qui salue la team. Je viens de tomber sur le meilleur des camions, le plus kitsch aussi d'ailleurs. Bah dis-nous à quoi il ressemblait parce que là, du coup, tu nous mets l'eau à la bouche, mais on n'en sait pas plus. Dédicace au fils de Gilet Jaune, alias Toff. Ah bah oui. Il s'est fait traiter, enfin si on peut dire traiter, hein, ouais. de fils de gilet jaune dans les appels bienveillants la semaine dernière. Jordan qui dit bonsoir les lépreux de la night. Merci, sympa. Salut Jordan. Coup de pelle dans la gueule de Toff. Bah écoute, j'aurais bien voulu, mais malheureusement ma machine à coup de pelle est en panne ce soir, donc c'est bien dommage, mais bon, comme ça. On va prendre Mathieu qui est avec nous également. Bonsoir Mathieu. Salut. Allô Mathieu. Allô. Ah voilà, ouais, très bien. Bonsoir. Comment bonsoir. Ça va? Bah ça se passe bien. Bon. Bah écoute, ça va plutôt pas mal aussi. Mathieu, tranquillement, t'as passé un bon week-end? Ouais, ça a été. Très bien, t'as fait quoi de beau? Pas grand chose, un peu de sport, un peu de rien. Un peu de sport. De sport, ben ouais, oui. De sport moi. D'accord, ok, très de bien sport, Mathieu. De sport dans la tartiflette un petit peu. Bon, ah oui, ah, tu vois. Bon Mathieu, de quoi on va parler avec toi dans quelques minutes, dis-moi. On va parler de Sam. De Sam, ah oui, évidemment, tout à fait. Ah ouais. Celui qui conduit. Celui qui ne boit pas. Exactement. Bon, bah très bien. Tu vas nous en parler dans un instant, puisque bah évidemment, hein, on vous invite bien entendu à élire votre Sam avant de bouger, surtout là pendant les fêtes, Noël, Nouvel An, surtout Nouvel An, c'est là qu'il y en a le plus de problèmes. Mais bon, bref, on va en parler dans un instant. Mathieu, tu restes avec nous. Je t'en prends en deux secondes. Si vous avez envie de parler avec nous, n'hésitez pas. Comme ah oui, là je suis tombé sur un truc aussi. Je sais pas si t'as un téléphone portable, Mathieu, toi. Ouais. Ouais. T'as des clés aussi. Des clés de chez toi, les clés de ta voiture, les clés de ta boîte aux lettres. Mieux, ouais. Voilà, ça t'arrive de les perdre ou pas? Les clés moins souvent que le portable. Ah, moins souvent que le portable, d'accord, ok. Non, parce qu'il y a une compagnie aérienne, c'est Southwest aux États-Unis qui reliait Seattle à Dallas, qui était obligé de faire demi-tour après avoir oublié un cœur humain à son bord. Pardon. Oui.